Bonjour et bienvenue à présent à un entretien que j'effectue en compagnie de Mona, donc ici David au micro, et je te salue, Mona, donc ça va bien? Oui, bonjour David, je vais très bien avec ce beau soleil. Excellent. Donc au moment où on vous parle, on est au début du mois de mai et la température commence à être un petit peu plus belle. Et là-dessus, ben, on va commencer à proprement parler par rapport à la conscience supramentale. Oui. Je voulais savoir, dans un premier temps, c'est quoi ton cheminement personnel qui t'a amené, entre autres, à t'intéresser à cette conscience? Ben, un peu comme tout le monde, dans le sens, rien n'est laissé au hasard, même si on pense que c'est des hasards, là. Dans un premier temps, j'ai toujours, enfant, eu le sentiment de ne pas être à la bonne place. Je suis venue au monde dans un milieu extrêmement bizarre aussi, dans le sens que ma mère souffrait de plusieurs maladies mentales, un père pas mal absent, alors pas mal éduqué tout seul dans une maison avec une femme malade, ce qui fait que moi, je voyais très jeune toutes sortes de choses que je ne comprenais pas, parce que je suis née en 1960, un peu comme je te disais tout à l'heure, en 61, dans un fief catholique, avec des explications sur la vie qui n'était pas tout à fait ce que moi je percevais. Je faisais des voyages astrales, mais je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je voyais les entités, parce que les gens. On parle beaucoup d'entités, là, mais des entités, des ambiances. Hein? Alors, ça traversait ma mère, puis je voyais ça passer, puis j'étais comme, My God, que c'est ça. Mais laissée à elle-même complètement comme enfant, dans ce monde-là, dans le fond. Donc, j'ai grandi là-dedans, un peu perdue, complètement perdue, à vouloir même en mourir en passant. À 8 ans, j'ai fait un suicide d'enfant. Ben, ça faisait une Menti. tentative de suicide. Ouais, à 8 ans. OK. Ça veut dire que tu étais en état quand même avancé de souffrance, là. Oui, tout à fait. C'était très intéressant. Aujourd'hui, je le ris, mais quand j'étais jeune, je riais pas partout. Ouais, écrasée par la souffrance, écrasée par ce que je voyais, écrasée par ce que je comprenais pas, toutes sortes de souffrances qui pouvaient venir de toutes les directions. Ceci étant dit, j'ai quand même réussi à passer à travers ça. À 19 ans, j'ai quitté le lac Saint-Jean. C'est une question de survie. Quand on parle de vibration, là, je peux t'en parler de ça. Vibrer, là, c'est vraiment de vibrer. C'est pas réfléchir, c'est pas. C'est vraiment une poussée. Je m'excuse, ça va être un peu vulgaire, là. C'est comme une envie de chier. T'as comme pas le choix. Il faut que tu ailles aux toilettes. Donc, fallait que je quitte le lac Mais Saint-Jean. en passant avec moi, t'as pas à t'excuser ou à me prendre avec des pincettes. J'aime mieux que les gens disent les choses d'une manière directe et spontanée plutôt qu'une manière hypocrite, là. OK, non, ça, j'ai pas cet aspect-là chez moi. J'ai aucun filtre, en passant. C'est même un peu dérangeant pour beaucoup de gens. Je désire pas nécessairement avoir de l'impact, mais bon, ça donne ça. Ceci dit, je reviens à ça. 19 ans, je quitte le lac Saint-Jean. Je trouve une passion, ce qui n'était pas évident dans ma vie, parce qu'une passion, j'en ai eu qu'une seule, et ça a été la danse. OK. Donc, je suis rentrée à l'université comme par faire quelque chose dans ma vie. Puis, en bout de ligne, j'ai découvert la danse. Et là, je suis tombée en amour avec la danse. Et pendant près 7-8 ans, je n'ai fait que de la danse, 35 heures semaine. Ça canalisait mon énergie, mais j'en avais énormément. Puis quelle sorte de danse? C'était-tu de la danse classique? C'était-tu du ballet? Formation moderne à base classique, dans OK. des écoles de formation professionnelle comme à l'époque, c'était Nouvelle Ère, Pointe-et-Pieds Nus, les ballets de jazz de Montréal. Tout ça, à travers mon cheminement, j'y ai passé. J'ai été boursière, ça m'a beaucoup aidée, hein, des bourses. J'ai été soutenue par la vie là, dans cette démarche parce qu'une session en danse, c'est 4 000 $ par 3 mois. Hein. Alors, c'est un milieu de riche, mais moi, je n'ai pas de milieu de riche. Là. Alors, ça m'a permis de canaliser puis de survivre dans un univers extrêmement compétitif, certes, mais qui me canalisait beaucoup mon énergie. Mais à 25 ans, c'est là que ça commence, je dirais, à 19 ans jusqu'à 25 ans en danse à temps plein, je me fais frapper par une auto à pied à 25 ans. C'est drôle, parce que j'ai pas perdu conscience. Puis j'ai volé dans les airs pendant 150 pieds pour atterrir dans le parc Jeanne-Mance au coin de Mont-Royal, avenue du Parc. Et ça, c'est drôle. C'est là que ça se corse, là. Ce que je me souviens, c'est que je vois la vie défiler comme un plan horizontal. Puis je vois vraiment la vie se défiler horizontalement. Puis là, je tombe sur les fesses. Puis j'entends un de mes meilleurs, mon seul ami de l'époque proche, me dire dans l'oreille droite, Mona, est-ce que ça va? Et dans l'autre oreille, le monsieur qui m'a frappé, qui me criait dans les oreilles, Je vous ai pas vu, je vous ai pas vu. Alors là, j'ai réalisé instantanément qu'on n'est jamais tout seul. Je dis, ah, c'est fou, pareil, ma famille est à 500 km d'ici, puis j'ai un ami dans mon oreille droite. Lui, il m'a vu voler dans les airs pendant que je me faisais frapper. J'étais dans les airs, il m'a vu voler en vélo, puis il a dit, mais hey, c'est mon art. Oui, Il est mais débarqué. dans le fond, quand l'événement est arrivé, tu as resté consciente pendant tout ce temps-là? Oui, c'est important, ça, ce petit bout-là, parce que, oui, conscient. J'ai été consciente tout le long, puis les médecins qui m'ont traité à l'époque, ils m'ont dit, vous n'étiez pas dû pour mourir, c'était clair, là. Mais moi, j'ai vu que quand tu es prêt à mourir, tu meurs, puis quand c'est pas le temps, tu meurs pas. C'est là que j'ai compris quelque chose. Mais encore là, David, c'est, j'ai pas les mots pour expliquer à l'époque ce que je parle aujourd'hui, là. Je sais juste que pendant 2 ans, je suis déphasée. J'ai 2 ans où j'ai eu de la misère à marcher. J'ai eu des gros problèmes de colonne. Depuis ce temps-là, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes de colonne vertébrale parce que en atterrissant sur le coccyx, j'ai foulé d'à peu près 2 pouces. Hein. Toutes mes vertèbres se sont tassées. Conséquence, 2 ans de temps, le corps émotionnel complètement à côté du corps physique. Je trouvais des chaussettes dans le frigidaire. Tu me demandais mon prénom, je ne m'en rappelais plus. J'étais complètement crucifiée sur place. Non, mais c'est ça, c'est un choc Et majeur, surtout que toi, tu étais oui. danseuse, fait que j'imagine que tu pouvais plus travailler comme danseuse, là. Terminé. Ma carrière en danse a pris fin là. Définitivement. Mais en même temps, tout ça, j'étais pas. Je sais pas comment dire ça. J'étais pas surprise parce que 1 an et demi avant mon accident d'auto, moi, j'ai toujours eu une petite voix qui me parle. D'ailleurs, j'en parle des fois de la petite voix qui est douce et calme à l'intérieur de nous. Cette petite voix-là m'a toujours accompagnée, a toujours été là, puis elle m'a toujours expliqué au moment où j'en avais besoin ma vie. Autrement dit, quand j'ai eu l'accident d'auto, ça faisait 1 an et demi que ça me disait par en dedans, fais autre chose, décroche, va vers autre chose. Faire autre chose que la danse? Oui, OK. mais moi, mon ego voulait pas lâcher parce que c'est, je sais pas si tu as déjà vu c'est quoi l'entraînement d'un danseur, mais c'est extrêmement intense. Les joueurs de hockey sont payés très cher pour l'entraînement qu'ils vivent, mais une danseuse, un danseur, c'est x10 qu'ils vivent, puis un salaire vraiment pas terrible. Alors, j'étais pas capable de décrocher, j'avais trop investi égoïquement. OK. Donc, la vie, quand j'ai eu l'accident d'auto, ça m'a dit, ben, la prochaine fois, tu écouteras. Bang! J'ai écouté par la suite, je vous le garantis. Mais ça a pris une couple d'années à me remettre de tout ça, là. Donc, après le changement de carrière, puis direction tout autre. Ça, c'est le premier choc. Et là, c'est là que j'ai commencé à écouter. En fait, c'est un de mes amis qui est séminariste de Bernard qui me dit, ah, je m'en vais voir des conférences de Bernard, puis ça te tente-tu de venir avec moi? Je dis, bah, why not? C'est vibratoire, on suit le filon. Puis je suis allée, puis je suis sortie de là en riant parce qu'il me dit, pis, comment tu trouves ça? Je dis, mais c'est extraordinaire, j'ai strictement rien compris, mais je trouve ça extraordinaire pareil. Mais vraiment rien compris. Moi, le mois astral, même aujourd'hui, tu me parles d'âme, d'astralité, de ci, de ça. Je suis encore pas mal mêlée par bout. Intellectuellement, je parle. J'ai pas de référent face à ça facile, en tout cas. Bref, j'ai trouvé ça fascinant, mais je comprenais rien. Puis j'ai continué dans cette essence-là. Puis à un moment donné, c'est Daniel Ménard. Moi, c'était plus l'action qui m'intéressait. Je suis de la danse un petit peu dans l'action, hein. Oui, certainement. Hein, c'est ground, ground, ground, les 2 pieds sur la terre. Alors, j'ai vu Ménard qui faisait des groupes, puis je voulais me joindre à ses affaires. Ça m'intéressait comment il travaillait, comme intervieweur. Je l'avais connu avec Bernard. Puis, c'est ça. Ça a commencé avec Daniel, moi, et non pas le séminaire avec Bernard, que j'ai fait beaucoup plus tard, en fait. Puis, j'ai commencé à travailler avec Daniel en privé, puis en groupe, tranquillement. Puis en réalité, j'ai découvert que c'est devenu mon père et ma mère un petit peu, parce que j'avais pas eu d'éducation. J'avais aucune notion de moi. En tout cas, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, là. Je trouve pas ça important. Non, mais c'est Mais. intéressant quand même parce que si quand tu étais jeune, tu étais laissé à toi-même, des fois ça crée des contextes où les enfants vont plus s'intérioriser Exact. que s'ils sont tout le temps entourés d'autres personnes. Donc à ce moment-là, peut-être que tu as développé un niveau d'intériorisation plus grand à te permettre de recevoir plus l'esprit ou la petite voix intérieure que tu parlais tantôt, là. Probable. Oui, ça me dit oui à ce que tu dis. Parce que souvent, on me disait que j'étais sourde. Ma mère, elle pensait que j'étais sourde. Parce que j'avais une capacité à m'isoler complètement de ce qui se passait, puis à rentrer dedans de moi, comme tu dis. Mais moi, je m'ennuie pas toute seule non plus. D'ailleurs, je ris parce que j'ai de la misère à comprendre le mot seul. Comment tu peux être seule quand tu as tout le cerveau occupé par la réflexion, puis tout ce qui nous passe par le coco, c'est dur d'être seule. Faut vouloir. Ben, bref. Voilà, grosso modo, premier choc m'a amené vers ça. Deuxième choc, je dirais, je l'ai eu vers 39 ans. OK. Dépression, burn-out suite à des années de perte. Autrement dit, mon père est mort d'un accident de quatre roues, ma mère est morte dans une chirurgie instantanément. J'ai un neveu, j'ai juste deux neveux, un qui s'est pendu au bout d'une corde, ma soeur qui tombe à terre, l'autre neveu qui délire. En tout cas, bref, puis l'époque, mon conjoint de l'époque me floche. Après 12 ans. Et là, j'ai droppé encore d'aplomb. Là, c'était je veux plus vivre. C'est quoi cette vie de marde? C'est une marde. Je ne fais plus. Rien que de la marde. Puis, j'ai été assez intelligente, je dirais, ou avoir la bonne information, d'engager mes nerfs à temps plein pour m'aider à passer à travers ça. Donc, ça a duré 2 ans où je n'ai pas été capable de rien faire d'autre que survivre. C'est vraiment de la survie, je dirais. Parce que Je tu dis souvent, j'ai ouais. mangé le gazon par les racines. Oui. Parce que dans le fond, pendant cette période-là, c'est que tu as eu à intégrer plusieurs chocs, des deuils, entre autres, de membres de ta Des gros famille. deuils, oui. Des Donc. déceptions. Tu sais, quand on a beaucoup d'attentes aussi, il y a eu toutes sortes d'attentes. Le couple, hein, entre autres, le couple qui a sauté. Ouais, j'avais pas d'enfant. J'en fais-tu pas? Non, je fais pas d'enfant. Là, mon chum, c'est là qui a flushé la relation parce que lui, il voulait des enfants. Puis je comprends très bien. Il n'y a pas. Mais c'est ce territoire-là, fin trentaine. Et ça a été une autre période où j'ai vraiment digéré beaucoup de mémoire. Puis je suis repartie à mon compte. À chaque fois, je repartais dans d'autres affaires. Après que moi, j'ai eu comme trois carrières, danseuse professionnelle, ensuite chargée de projet en communication graphique, puis demande-moi pas comment je me suis rendue là à Hydro-Québec. J'ai même pas de formation là-dedans. Et yoga et prof de yoga et pilates maintenant depuis 2004. Puis j'ai une formation en pilates et en danse, mais yoga, j'ai seulement suivi des ateliers. Parce que je voulais pas être. Ah, c'est un aspect qu'on pourrait aborder. Une business versus comment roule une business quand on est dans le monde astralisé. Puis quand on tombe dans un autre univers qu'on appelle le supramental, comment une business peut être gérée? Parce que c'est pas le même monde, pas en tout. Donc j'ai eu une business à ce que je dirais qui a été pendant 10 ans sur les règles de l'astral. Puis après ça, celle que j'ai aujourd'hui, qui est complètement vibratoire, parce que j'ai été guidée là-dedans. C'est mon contact qui me disait quoi faire pour bâtir une école. Mais moi, j'avais aucunement ce plan. J'ai aucunement ce plan. Dans mon esprit, c'était pas du tout possible. Donc, Alors autrement dit, aujourd'hui, je. c'est ça dans le fond, ton travail de professeur de yoga, c'est ton esprit qui t'a mis en vibration pour faire ça. Ouais. Puis le but, c'était d'aligner les quatre corps inférieurs. Je savais pas, là, je te dis ça aujourd'hui, parce que j'ai 58 ans bientôt, ça fait 14 ans que je me fais aller là-dedans. Mais je suis une solution aussi pour mes problèmes. Tantôt, je t'ai dit, j'ai eu des gros problèmes de colonne. Les médecins voulaient m'opérer, moi, en chirurgie, ils voulaient fusionner les vertèbres à trois niveaux. Puis moi, je voulais pas. Par en dedans, c'est ça, je dis, je lis l'information, ça disait, non, il n'y en a pas question. D'accord, c'est très autoritaire en passant, ces petites voix-là, là. C'est doux, mais c'est clair. Alors, j'ai dit, OK, j'ai dit, neurochirurgie, on oublie ça. Là, le neurochirurgien se choque après moi parce que j'ai rien que 25 ans. Puis là, tu sais, c'est dans les années 80. Les médecins, c'est des dieux, puis encore plus les neurochirurgiens. Puis là, ben, Mona qui dit, non, il n'y en a pas question. Il semblerait que ce n'est pas une solution pour moi, qui me répond, le neurochirurgien me répond, ben, c'est ça, vous reviendrez me voir en chaise roulante à 40 ans. J'ai dit, hey, mais vous voulez vraiment que je guérisse, vous? C'est effrayant. Fait que je suis partie avec ce bagage-là et ce médecin-là qui m'annonçait la chaise roulante à 40 ans. Puis par en dedans, ça me disait, il n'y en a pas question, check bien ça. Et finalement, j'ai 58 ans, puis je suis debout, mais c'est grâce au yoga et au pilates, puis la découverte que j'ai faite à travers ça, comment travailler avec le corps. Donc aujourd'hui, je dirais, je suis contrôlée, mais je peux pas faire n'importe quoi pour autant. Là. Des fois, les gens me disent, hey, tu t'es guérie. Bah, mettons que j'ai réparé le. C'est un corps, c'est un char. Hein? Pour moi, mon corps, c'est une auto. Fait que c'est un transport. Oui, c'est ça, c'est un véhicule. C'est ça. Il y a un peu de rouille après, là, mais il fonctionne. Ben, c'est ça, l'essentiel, c'est que le corps fonctionne. Très bien. Voilà, fait que c'est ça. Grosso modo, David, c'est ça mon cheminement. Puis à travers tout ça, j'ai rencontré plein de gens là-dedans. Il y a beaucoup de monde en supramental quand même qui en parle puis qui évolue là-dedans, même si on n'est pas tous la même façon de vivre les choses. Oui, exactement. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque cheminement de personne est unique. T'sais. Depuis tantôt qu'on parle de ton cheminement à toi, Mais dans le fond, j'ai interviewé plein de personnes, puis ils ont différents cheminements avec cette conscience-là, puis son exposition, puis son intégration. En fait, j'étais Puis tu curieux. vois, Oui, excuse-moi, mais moi j'en ai une question pour toi. À travers les gens vas-y. que tu interviews, est-ce que tu as vu des points communs à tout ça? Même si on a tous une expérience très variée, c'est peut-être Oui, quelque chose. certainement. Le point commun, c'est souvent suite à un choc que les gens Ah. vont s'intéresser à ça. Est-ce que ça. Voyons, le constat, on peut-tu faire un constat que ça demande de la souffrance pour qu'on se réveille? Oui. OK, d'accord, on va continuer. D'abord. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est bien à la mode. Ces temps-ci, je lis beaucoup de choses supramentales. Les gens sont à la course contre la souffrance. On ne veut plus souffrir, on ne veut pas souffrir. Et moi, pour moi, ça n'a aucun sens, ça. Ben, c'est-à-dire qu'en tant qu'ego, c'est tout à fait normal. Tu sais, l'ego veut pas souffrir. Mais le problème, c'est qu'à la base, pour commencer à enclencher le processus, l'ego doit être déstabilisé, sorti de sa mécanicité, sa façon habituelle de faire les choses. Fait que naturellement, il va être exposé à une opposition qui peut générer de la souffrance. C'est ça l'affaire. Exact. Ouais, effectivement. Mais c'est sûr que toi, dans le fond, de ce que je capte par rapport à un choc qui a été intense dans ta vie, tu sais, ça a été le fait d'arrêter ta carrière là, au niveau de la danse. Parce que tu Ça a avais été le beaucoup début, ouais. investi d'énergie là-dedans, là, tu sais, par rapport à ton entraînement, comme tu parlais. Puis ça a été un choc majeur. Moi, ça a été le décès de mon père à 17 ans. Puis j'ai d'autres personnes qui ont vécu d'autres chocs de différentes natures. Mais c'est ça, c'est souvent un événement oppositionnel qui fait pas l'affaire à l'ego, que l'ego ne choisit pas. Puis là, il est appelé à composer avec ça. Puis là, ça crée des tensions, puis des remises en question, puis il est obligé de se redéfinir, là. Ouais, oui, j'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Mais si à un moment donné, tu dis quelque chose, t'es pas en accord, je ne peux pas me le dire aussi, là. T'en fais pas, David, tu vas voir que ça sort quand je suis pas d'accord. Mais sinon, par rapport à Daniel Ménard puis Bernard de Montréal, est-ce que toi, tu les as rencontrés là, en privé ou c'était plus Ah à travers des oui. conférences? Bernard, j'ai pas été. J'ai eu quelques... Il y a eu des choses intéressantes avec Bernard, mais c'est surtout conférences privées et publiques que j'ai assistées, mais je n'étais pas dans ses proches et je ne le voulais pas non plus. La seule fois que j'ai voulu me rapprocher, c'était dans le temps de Roche Sauvage. Je ne sais pas si tu as connu le projet Roche Sauvage que Bernard avait organisé en Haïti, un développement d'une place pour des gens pour aller se reposer. Ça dit-tu quelque Oui, chose? ben oui, j'ai des invités Il qui m'en faisait. ont parlé, Ouais. oui. C'est ça, il y avait beaucoup de sollicitations. À un moment donné, il sollicitait les gens qui voulaient investir là-dedans, tout ça. Il en parlait dans les conférences privées. Puis moi, ben, j'ai voulu y aller. Puis parce que j'avais comme. À l'époque, j'avais un conjoint haïtien. C'est 12 ans de relation avec lui. Je parlais créole. OK. Alors, ouais, je parle quelques langues. Ah oui, c'est un talent que j'ai, ça. J'apprends les langues aussi vite que je les oublie. Autrement dit, il faut que je m'en serve, sinon, si ça ne me sert pas, j'oublie très rapidement. Mais je parlais créole haïtien, qui est très différent du créole guadeloupéen ou martiniquais en passant. Alors, je dis à Bernard, je dis, ah, mais moi, j'aimerais ça y aller en Haïti. Puis il m'a regardé en pleine face en me disant, t'as pas d'affaire là-dedans. Bye. OK. J'étais un petit peu effrayée à l'époque parce que mon ego voulait y aller, hein, mais plus tard, j'étais bien contente parce que tout le monde a perdu de l'argent. J'avais pas d'affaire là. C'est là que j'ai compris qu'il y a un karma. Je ne sais pas comment le lire, mais pour moi, je n'avais pas d'affaire là. Karmiquement, je n'avais pas rapport. Fait que je n'avais pas à vivre ça. L'autre contact que j'ai eu avec Bernard, que j'ai beaucoup aimé, c'est un jour, il a signé Genèse du réel, puis il m'a regardé dans les yeux. Je ne sais pas si tu as déjà croisé le regard de Bernard de Montréal. Je n'ai jamais revu ça sur la planète, moi, personnellement. Non, c'est parce que je l'ai J'y pas pense, connu puis je de peux son vivant. pleurer. OK. Je peux pleurer là. OK. C'est. Ah, j'ai de la misère, regarde, je te le dis. Humanité incroyable dans le regard de cet homme. Il pouvait péter des colères d'enfer contre les entités, mais jamais contre l'humain. Ben, c'est important de comprendre ça, parce que je trouve que dans les forums de supramental, il y a beaucoup de guerres de raison, puis ça, c'est des guerres d'ego. Mais ça va bien au-delà de ça. Puis c'est Bernard, moi, ce regard de Bernard qui était en même temps très froid, puis en même temps brûlant d'humanisme. C'est assez difficile à contenir ce regard. C'était très, très beau à voir. Cellulairement, ça m'a marqué, ça. Alors, c'est les seuls contacts que j'ai peut-être eu avec Bernard. Toutefois, Daniel, ça a été mon père et ma mère, comme je t'ai dit. Il m'a éduqué, Daniel. Daniel, ça a été lui qui m'a éduqué. En privé et en groupe. J'ai fait plus privé que groupe, moi. Je suis assez sauvage, hein. Je l'ai dit tantôt. J'étais timide, je suis assez réservée sur moi-même. Je vis bien seule. Moi, ma difficulté, c'est d'être en société depuis que je suis au monde, d'ailleurs. Jeune, on me disait tout le temps que j'étais associable, un leader négatif. J'ai eu toutes les caractéristiques et les défauts de la planète, moi, finalement. Je suis trop colérique. J'ai toujours été trop de quelque chose. Ben, il y Mais a des gens qui t'ont fait des reproches, mais c'est tout le temps de voir pas si c'est beaucoup, fondé ou beaucoup. pas, tu sais, c'est ça Ouais. l'affaire, là. Sais-tu quoi, David? Sais-tu ce que ça a fait? Ça m'a immunisé contre toute forme de critique. Aujourd'hui, tu me critiques, je suis exposée. Tu sais, être en affaires, je ne sais pas si tu es en affaires, mais Non. c'est être exposée, hein? Les gens nous critiquent, puis moi, ça me rend complètement indifférente maintenant. Les gens me trouvent merveilleuse. Le lendemain, je suis un tas de marde, puis c'est correct. Ah, ben... En yoga, je peux me faire dire beaucoup de choses, assez surprenantes. OK. Ben justement, par rapport au cours de yoga que tu donnes en tant qu'enseignante, peux-tu nous en parler un petit peu plus de ton approche? Ben moi, c'était très simple. Le mot yoga, pour moi, pourquoi je faisais du yoga à l'époque, c'est le mot yoga m'avait attiré. Union, que ça veut dire en sanskrit. Pas contorsion, pas mise en forme, pas je fais ça sur une planche sur une belle planche à well dans le sud. Rien à voir. Non, mais je suis tannée de voir ça. C'est devenu une business, le yoga, c'est du n'importe quoi. Le yoga, c'est un outil, comme d'autres outils, là, en passant, pour nous aider à prendre conscience de l'union entre l'esprit et le corps qui peut se faire. Et c'est le souffle qui est le lien, la respiration. D'ailleurs, Daniel Bénard en parle de respiration, l'importance de la respiration. Donc, c'est le souffle, c'est comprendre que le souffle nous maintient dans le présent. C'est la respiration qui nous ramène au présent. L'ego mental, lui, il veut aller dans le passé puis dans le futur. Mais vivre au présent, tu essaieras ça avec le mental. Ça ne veut rien savoir. Ça se projette soit en arrière, soit en avant. Qu'est-ce qui fait que tu reviens au présent? C'est le souffle. T'es respiré. Et en respirant, tu prends conscience de ton intériorité, ce qu'on appelle en yoga se déposer. Tout simplement. Tout le reste, c'est de la fioriture. Pour divertissement de l'ego, les asanas, les guerriers, tout ça. Oui, pas de problème avec ça, mais c'est une conséquence, pas une... Est-ce que je m'exprime bien? Je ne sais pas, là, je suis partie. Non, mais à la base de l'yoga, c'est le principe de l'union. De l'union à travers la gestuelle. Donc, ce que Mais j'enseigne, à puis j'en. l'union, on va le définir, l'union à Oui. l'esprit, c'est-tu l'union à la conscience? J'en parle pas de même. OK, vas-y. Je laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Moi, ce que je parle, c'est de l'union entre l'esprit et le corps. Il y en a que l'esprit, c'est le mental inférieur, l'autre, c'est supérieur. Je n'ai pas à gérer ça. Moi, mon travail, c'est juste d'aider les gens à rester dans le corps. Parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Hein? On le voit de plus en plus. Les gens traversent la rue en regardant le téléphone, pensant que c'est des immortels. On n'est plus dans nos corps. On est de plus en plus, la technologie nous entraîne en dehors d'une connexion de nous-mêmes. Nous entraîne vers l'extérieur tout le temps. On se met des bouchons sur les oreilles pour entendre les autres. Encore moins s'entendre nous-mêmes. On se met de la musique dans les oreilles tout le temps. Il y a toujours. C'est pas pour rien que les gens souffrent autant d'anxiété, David. Il n'y a plus de connexion. Non, c'est ça, les gens sont trop connectés avec Internet, les réseaux sociaux, puis Ouais. pas assez sur leur intériorité. Exact. Puis moi, quand j'amène. C'est pas très populaire ce que j'ai comme approche du yoga parce que les gens veulent se pitcher dans le divertissement. Autrement dit, ils veulent suer puis se faire transpirer au point de s'effondrer quasiment sur le tapis puis plus se sentir. Tu sais. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais j'interviens pas dans le cheminement des gens. Je fais juste dire ce que j'ai à dire. Moi, ce que je sais, c'est que ça m'a amené à être très centré. Puis, il s'est passé des choses, moi, dans ma vie, où j'ai vu l'espace-temps, comme je ne sais même pas m'expliquer ça. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand on est bien aligné au niveau des corps inférieurs, parce qu'il y a des corps supérieurs, mais les corps inférieurs, le physique, le vital, l'émotionnel et le mental inférieur, s'ils sont bien alignés, la réception se passe bien par la gang d'en haut, là. Tu sais, si en bas, c'est foqué, puis c'est tout croche. Quand il lance, mettons que tu as une information de ton double ou de ton contact, Il est fragmenté par le fait qu'on n'est pas aligné au niveau des corps inférieurs. Donc, l'information est perturbée ou est transformée, est diluée. Mais quand tu es aligné par en bas, je te dis que ça rentre. Ping! Oui. Alors, c'est ça. Ma fonction, c'est ça. C'est d'aligner ça, tout simplement. Puis, il y a des choses comme, à un moment donné, je voyais des verres. Je donnais des. Moi, je suis très malhabile. Je parle beaucoup avec mes mains. Je suis danseuse, fait que je bouge tout le temps un peu. Fait que je donne des claques sur les verres d'eau, des fois. Bang, le verre d'eau décolle. Et là, je le vois tomber, ralenti, man. Mais pas à peu près. J'étais là, voyons, je peux le ramasser 14 fois, ce verre d'eau-là qui tombe. Très lent, là. La deuxième fois que ça m'est arrivé, je l'ai attrapé, j'avais compris la game. Mais la première fois, tu fais comme, ah, complètement, le temps, la distorsion du temps, l'illusion qu'on a du temps, je voyais très clairement. Et ça, c'est juste par un alignement des corps inférieurs. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est comme dans un film où on voit une séquence au ralenti. Mettons, une balle est tirée d'un fusil, comme dans le film La Matrice. Puis là, le gars, il se tasse, puis il n'est pas frappé avec la balle. Mais tout ça dure quelques secondes, mais on voit ça sur plusieurs minutes au ralenti. Exactement. Même affaire. Mais tu sais que oui, tu sais, un aspect intéressant. Mon conjoint, c'est un maître d'aïkido. Et quand tu as vu La Matrice, oui, j'ai un conjoint vietnamien d'origine et qui est un grand maître d'aïkido et d'iaïdo, l'art des samouraïs. Là. Et à un moment donné, il voit La Matrice, l'affaire, puis il me racontait que le fondateur de l'aïkido, dont Daniel Kim en a parlé en passant, c'est une des techniques qu'il utilisait, lui, pour mater l'ego un peu. Là. Et dans l'aïkido, mon conjoint me disait ça, il dit que le fondateur de l'aïkido, il tirait des balles, il mettait des élèves faire tirer des balles, puis ils esquivaient vraiment lui aussi. À une certaine distance, il était capable d'esquiver la balle complètement. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis ce maître d'aïkido de l'époque, au sensei qui appelle, je ne sais pas son nom, autre, il était très aligné, probablement qu'il était très intelligent lui aussi dans son univers. Donc, c'est pas d'hier que c'est commencé ce travail-là, c'est tout ça pour dire que c'est un peu partout sur la planète. Oui, exactement. Et puis, par rapport au yoga, moi, j'en pratique. Oui, puis, j'étais curieux raconte-moi. D'avoir ton opinion là-dessus. Moi, je fais du yoga de type yin, donc qui met l'accent sur des mouvements de détente, de relaxation, des étirements. Donc, les poses sont gardées longtemps. T'sais, on peut prendre la même position, par exemple, pendant 2 minutes. Mettons, le chat qui attrape sa queue, ou ça peut être le sphinx. Je ris, mais je vois très bien dans quelle position. Parce que moi, tu me nommes les positions, puis je te vois dans la forme. Oui, ben oui, c'est le yin yoga. C'est un des yogas les plus, je trouve, qui est resté plus près de ce que serait le yoga pour moi. Rester dans la posture. T'aimes-tu ça? Raconte-moi ton expérience. Oui. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Non, mais c'est bien correct. J'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu fais ça, toi? Ben, c'est parce que ça me donne un contact avec le corps. Et voilà. T'sais, ça me donne une présence au corps. Parce que si je suis tout le temps sur l'ordi ou je suis déconnecté, je suis juste dans la tête. Exact. Ça te rééquilibre, donc. Oui, certainement. Certainement. Voilà. Puis des fois, ça me permet de réaliser des muscles que j'ai oublié leur existence. Il te rappelle alors, tes muscles te rappellent qu'il existe, oui. Mais moi, j'ai peut-être une réaction aux gens de, tu sais, dans l'époque des séminaristes de Verneur, je me souviens que même Daniel traitait son corps comme de la marde, hein? Monsieur Ménard, oui, Daniel, j'ai eu souvent des accrochages là-dessus, parce que je disais, mais Daniel, tu traites ton corps comme de la marde, puis Bernard l'appelait gros minou d'ailleurs, mon gros minou. Faut que tu t'habilles, t'as pas l'air d'un chien, de la chienne à jogue, c'est une sorte d'affaire. Pour Bernard, c'est très important l'onde de forme. Et Bernard prenait soin de son corps. Daniel, c'était autre chose. Puis peut-être j'ai eu tendance à développer plus le prendre conscience de mon corps parce que j'avais en opposé quelqu'un qui ne voulait pas en prendre soin, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Mais je sais que Daniel, pour lui, c'était un terminal, point à la ligne. Moi, je disais, ben oui, mais le terminal, il faut qu'il soit bien entretenu si tu veux que la vibration descende d'aplomb. Exactement. D'ailleurs. C'est pas si on compare l'auto à un véhicule, une automobile, si l'auto, on veut qu'elle soit fonctionnelle, ben il faut l'entretenir, il faut entretenir les freins, il faut changer les pneus aussi quand ils sont usés. Donc, exact. Il y a un minimum, pour moi, c'est sûr que, dans le fond, il y a un minimum à faire. C'est sûr que, bon, je vais au yoga une fois par semaine, sinon je m'entraîne aussi physiquement. Je ne suis pas Monsieur Muscle, là, mais je suis tout le temps quelqu'un. Pas de ce sens. C'est ça, exactement. Je vais tout simplement avoir une forme minimale du corps physique. Pour pas être une épave vivante là, non plus, tu sais. Ben, même les moines tibétains avaient compris ça, tu sais. 24 heures de méditation par jour, ils sont devenus tellement amorphes physiquement qu'ils n'avaient plus rien. Ils n'étaient même plus capables de chanter, tu sais. Fait que, ils ont créé les cinq tibétains. Si tu regardes la forme des cinq tibétains en yoga, qui date plus encore que le yoga indien, là, les cinq tibétains, tu fais ça une fois, trois fois par semaine, mon grand, là, 15 minutes, puis tu es en forme en Jupiter. C'est quelque chose. C'est très, très simple à faire, mais c'est très exigeant. C'est cinq exercices. That's Non, je it. connaissais pas C'est les ça. moines tibétains pour moi, c'est les moines tibétains qui ont déclenché le yoga et non pas l'Inde. OK, donc Pour ça moi. viendrait à la base du Tibet Oui, pour avant moi, ça l'Inde. vient de là. OK. Mais j'ai pas de preuve de ce que je dis. Hein. En passant, David, c'est ma perception, c'est ça. Ouais. Mais je sais que c'est plus vieux comme yoga. Les cinq Tibétains, c'est plus vieux que le yoga qui provient de l'Inde. Dans le fond, sinon, j'étais curieux de savoir parce que ça fait quand même plusieurs années que tu chemines en lien avec la conscience supramentale. Et j'étais curieux de savoir, ça a été quoi la principale prise de conscience que tu as faite en lien avec ce cheminement-là? Moi, ce qui m'a le plus dégagé de tout, c'est le fait de savoir que c'est pas moi qui pense. Et quand je dis savoir, c'est vraiment savoir. Ça me fait du bien. Ça m'a fait tellement de bien d'intégrer ça dans ma vie. C'est pas moi qui pense. Caroline, c'est facile la vie quand c'est plus toi qui penses. Non? Oui, dans un sens, parce que ça nous dégage, tu sais, on se sent pas coupable parce qu'on a une pensée qui n'a pas d'allure, ou tu sais, Ben non, exactement. exactement. Ouais. Des Donc, fois, je me promène sur la rue, puis ça gueule, ça dit, ah, petit tabarnak, c'est par en dedans. Puis là, je ris, ben, je sais bien que c'est une entité, puis je ris. J'ai, hey, ben, regardons ça, elle est énervée, elle, aujourd'hui. Mais moi, j'ai un fun fou, ben, je me vois comme un tube. Moi, je suis un tube. Peut-être un pas canal. un tube digestif, mais je suis un Ouais. tube. Non, non, mais c'est ça permet de se dégager de la pensée. Totalement. Ça ne nous Exactement. appartient pas, David. On n'est pas pour l'instant capable de créer notre propre réalité. Ça s'en vient, tout le monde en parle, mais pour moi, présentement, si on comprend qu'on ne pense pas, que ça nous traverse, il me semble que c'est bien plus le fun. Mais, tu vois, ça met juste par en dedans, ça me dit oui, mais il ne faut pas avoir trop d'ego. Parce que si les gens se mettent à avoir de l'ego puis qu'ils comprennent qu'il n'y a pas ceux autres qui pensent, ils vont se permettre quoi, tu penses? N'importe quoi. Ouais, ben c'est ça. Les gens se sentiront pas responsables de rien. Ben, c'est sûr, les égos, ça, c'est prêt à tout. Un égo, pour Exactement. moi, c'est un contenant, hein, mais dans lequel il y a eu beaucoup de liquide qui a été mis. Pour moi, l'égo, c'est un contenant, mais il est rempli d'ancrage, de toutes sortes de choses, de croyances, de valeurs, de tout ça. Ça, une fois que c'est nettoyé, le contenant, l'égo, il est transparent. Hein, mais on a besoin d'un contenant quand même. Ben, c'est comme le véhicule qu'on parlait tantôt. On a Oui, besoin d'une auto pour se exact. déplacer sur des grandes distances, donc une chose pour le corps physique. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on réalise que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'il faut être capable de composer avec cette réalité-là. Ben là, après, la question que tu vas peut-être avoir, c'est comment que tu fais pour savoir qu'est-ce qui te parle, tu sais? Exact. Ah, ben c'est assez simple. Moi, je suis une fille hyper simple. Je vois ça simplement. Pour moi, une instruction qui vient de mon esprit, c'est informatif. Point. On se comprend-tu? C'est informatif. Mettons, je me lève le matin et ça me dit pars à gauche. OK, je m'en vais à gauche. C'est une information. Ah, passe par là, va-t'en là-bas. OK, m'envoie là-bas. C'est tout. Quand ça commence à faire une histoire, genre, ben là, va-t'en par là, tu vas rencontrer ça. Je sais que c'est de la merde. J'ai pas besoin de plus. Dans le fond, tu as besoin de la direction, mais sans le détail de l'explication. Ben, de l'esprit, ça ne donne pas d'explication, de détails sur. Tu sais, l'esprit ne dira pas si tu t'en vas à Tombouctou, tu vas te péter la gueule, te casser une jambe puis revenir sur une civière. Voyons, tu n'y iras jamais. Non, exactement. L'esprit, il veut que tu évolues, fait qu'il peut te manipuler puis faire de C'est l'omission ça. volontaire d'informations pour t'amener en expérience. Exactement. Puis c'est important qu'on vive nos expériences. C'est ça que des fois, je lis dans les affaires des forums, les gens qui veulent plus vivre leurs expériences. Plonge dans l'expérience. Yes! C'est là que tu vas devenir intelligent. Il n'y a pas de solution autre. Ah, vas-y, vive ta vie, puis laisse faire ce qu'on voit pas, là. Puis vis ta vie, tu sais. Puis tranquillement, ça se développe. Puis on prend conscience de plein d'affaires. Puis je t'enlève. Moi, ce serait ennuyant s'il ne se passait rien. De toute façon, on n'a rien. C'est plus rien à vivre. Tu décolles, c'est pas compliqué. Là. Non, mais c'est sûr qu'en tant qu'ego, si je me réfléchis en jeu, moi, je veux avoir des expériences agréables, tu sais. Je veux manger le gâteau sans nécessairement payer le prix, tu comprends? Oui, ça, je comprends ça. Mais des fois, c'est possible. Ça dépend. Ouais. Mais c'est sûr que c'est particulier parce que ça nous ramène à la manipulation de l'esprit. C'est-à-dire que il peut nous dire à voir à droite plutôt qu'à gauche, mais si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, ben c'est sûr qu'on peut s'exposer Mais c'est à, pour dans ça. certains cas, des expériences difficiles. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est qu'on ne sait pas la suite. Moi, le jour où je vais avoir du libre arbitre, c'est quand je vais prendre ce bain simple. Dans le temps que je me cherchais de la job, mettons. Oui. Je m'en allais chercher une job. N'importe quel job. Là. Bon, là, j'arrivais devant ce qu'on m'offre comme job, c'est bon, ben madame, votre description de job, c'est ça, puis c'est ça votre salaire, puis pas de problème. Tu dis OK, ça m'intéresse. Là, tu es rendu ça à la job, puis tu te rends compte que la liste d'épicerie est pas mal plus longue que ce qu'on te dit. Ben oui, regardons ça, toi, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Fait que moi, le libre arbitre, si j'avais. C'est là que j'ai compris que j'en avais pas de libre arbitre très jeune, c'est que je n'ai pas toute l'information. Fait que je peux pas choisir si j'ai pas toute l'information. C'est vrai. Donc, à partir du moment où tu sais que tu n'as jamais toute l'information, le libre arbitre vient de sauter. On oublie ça. Fait que moi, dans ma démarche, je le sais que je n'ai pas toute l'information. On sait comment ça marche, les forces. Puis en passant, l'esprit, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début de quelque chose, hein? Le plan supramental, là, il y en a plus haut que ça comme vibration, parce que l'ultime, là, c'est une race libre dans la matière. On se comprend-tu? Oui, par rapport à l'intégration de l'énergie de l'esprit, mais C'est ça. de ma compréhension, le plan plus élevé sur le plan énergétique que celui physique, c'est le plan éthérique. Le plus haut niveau, c'est éthérique, mais rendu là, c'est que tu vas avoir toute la liberté que tu as besoin, que ce qu'on veut créer, dans le fond. On veut. Tu sais, les gens se demandent pourquoi la race humaine a été créée. Pour moi, la seule raison, c'est pour créer de la lumière dans de la forme. OK. Mais c'est un long cheminement, là, de milliers d'années, hein, mais c'est le but ultime, c'est d'être dans de la forme avec de l'intelligence. Il n'y en a pas de forme aussi évoluée que le corps humain dans tous les univers existants en passant. Il y a bien des intelligences plus grandes. Mais il n'y a pas de corps plus développé que celui-là. C'est pas pour rien qu'on est très sollicité par toutes sortes de monde. Mais ça, Et j'irais toutes peut-être sortes. pas. Tu vois, c'est intéressant que tu le parles, mais moi, personnellement, j'irais peut-être pas jusque-là. Parce qu'on a des corps de nature biologique. Il peut exister aussi des corps de nature chimique. Il y a différents types de corps. Je veux dire, je pense pas Mais que c'est le. le corps humain, dans son état actuel, soit le bout du bout. Ben, dans l'état actuel, le corps humain, c'est le bout du bout, mon ami, pour moi. OK. C'est le plus beau des corps, mais pas le plus évolué des corps. Nuance. C'est pas pareil, là. J'ai pas dit qu'on était très évolué comme race. Je dis qu'on a le corps le plus évolué et qui est très sollicité par d'autres races qui ont plus d'intelligence ou de technologie ou de toutes sortes d'affaires, mais qui n'ont pas de corps comme le nôtre. Puis pourquoi, dans le fond, c'est le plus évolué, le corps humain? Ça me dit, je répondrai pas à ça. Oh! Pas pour l'instant. OK. Mais c'est parce M'excuse, qu'il David. n'y a aucun problème, t'as pas t'excuser, là. Ouais. Ça répondra pas. OK. Mais moi, ce qui me vient par rapport au corps humain, c'est la potentialité qu'on a de vivre un ego qui va être mis en relation avec l'esprit à travers le processus de la fusion. Puis le corps physique sert d'interface pour ça, puis il y a la possibilité pour l'être humain d'intégrer le principe de l'amour, alors que c'est pas nécessairement le cas par rapport à d'autres êtres sur d'autres plans de vie ou sur d'autres planètes, là. Ouais. Mais pour, je ne sais pas, ça ne me dit rien quand on parle de même, je n'ai pas d'informations, mais je dirais que la question, toi, l'ultime pour l'humain, c'est le plan de l'amour, c'est d'intégrer l'amour, c'est ça? L'amour, la C'est tout ça? volonté, puis l'intelligence. C'est ça? Mais l'intelligence, c'est le plan supramental. Ouais, c'est en relation avec ça. Le plan de l'amour, c'est le plan qu'on appelle bouddhique dans certains livres. Puis rendu en haut de ça, c'est quoi? C'est le plan éthérique, non? Ouais, bon, en tout cas, les catégories peuvent être sujettes à discussion, là. Oui, comme le corps. Tu sais, on peut nommer, tu sais, à un moment donné, il faut convenir avec des mots, hein, qu'on le veuille ou pas. Là, c'est Exactement. les corps inférieurs, pour moi, les quatre corps inférieurs avec les trois corps supérieurs, ça a du sens, là. Moi, pour moi, les corps supérieurs vont se fusionner avec les corps inférieurs. Mais une fois que c'est fait, cette fusion-là, dans des milliers d'années, qu'est-ce qu'on va être? On va être une race libre. On va être la seule race libre de toutes les hiérarchies des univers. Voilà ce que ça me dit. C'est Intéressant. ça. Mais bon, faut pas trop me poser de questions. Celle-là, ils ne veulent pas trop parler là-dessus. Mais justement, quand que tu parles d'eux autres, de ton contact, quand est-ce que tu as pris connaissance de leur existence? Depuis que je suis jeune. OK. Je le disais tantôt, moi, je suis atteinte. Ce qui a fait que j'ai réussi à survivre à mon environnement, c'est que très jeune, j'avais cette petite voix qui m'expliquait des choses. Comme à un moment donné, le contact, je l'ai perdu, puis ça me l'a dit. Tu sais, j'ai 16-17 ans, puis là, ça m'a dit, là, on te laisse, on va revenir plus tard. Ouais, et faites pas mal de conneries entre 16 et 25, là. J'ai volé, j'ai menti, j'ai. Nikita et moi, c'est à peu près ça, là. Mais pourquoi qu'ils t'ont laissé? Mais il fallait que je vive ma vie. Il fallait que je descende dans le plan émotionnel d'aplomb puis vivre toute la souffrance que tu parlais. Là. Il fallait que je la vive. Je ne pouvais plus être suspendue là-dedans. Il y a eu OK. beaucoup de choses là-dedans et c'est vaste comme question ce que tu demandes. Il a fallu que je coupe avec la clairvoyance, entre autres. Moi, je suis une clairvoyante qui voyait très clair. J'ai même une grosse bébite qui voit clair, mais je ne veux plus rien savoir de ça aujourd'hui. Je ne canalise plus. Je m'occupe plus de l'astral. Je veux plus rien savoir de ça non plus. Les voyages astrales, je veux plus rien savoir de ça non plus. Tout ça a tout été nettoyé. Quand j'étais jeune, je me tapais ça. Non, ben, je comprends. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à canaliser de l'astral, puis à un moment donné, ben, le canal s'épure, puis ça vient juste de la canalisation supramentale ou de l'esprit, là. En tout cas, je veux pas dire que je sais pas. Je te dis juste mon expérience, je sais pas. Je sais juste que pour moi, c'est de même que ça a pris comme chemin. Est-ce que c'est le seul chemin? Je pense pas, là. Puis je veux pas que les gens. Quand je parle, des fois, les gens se sentent comme si je disais que les autres, c'est de la barre, là. C'est pas ça. Non, non, ben, il y a plusieurs OK. chemins qui existent, là, C'est c'est ça. sûr, pour... Puis il y en a qui font des voyages astrales, qui vont m'écouter, qui vont penser qu'ils sont de la chenoute, là. C'est pas ça que je dis. Je parle juste pour moi. Puis c'est comme ça que pour moi, ça a passé. Puis pour d'autres, ça va être d'une autre façon. Puis, mais je pense que la clairvoyance, c'est différent. Ça développe la télépathie avec des formes de vie occultes. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut quand même saisir qu'est-ce qui nous parle. Tu sais. Puis c'est un peu le travail que tu me. C'était la question que tantôt on parlait. Qui me parle? Moi, quand c'est mon contact, mon double, c'est informatif, c'est jamais menaçant, ça me fout pas la trouille, ça finit pas mal, c'est pas un hostie chaud plate qui finit, genre. Je sais pas si le monde a remarqué que quand on canalise des fois à qui on parle, ça se met à nous raconter des affaires, puis ça finit mal, ces histoires-là, tout le temps. Non, il n'y a rien de tout ça dans le canal. L'esprit, c'est beaucoup plus froid, c'est neutre, puis c'est métallique. Ah, Mais il y a d'autres. métallique. Ben, pour moi, de l'esprit, c'est le plan supramental. Il y a plus haut que ça comme énergie, là. Mais j'ai pas de contact avec ces supériorités-là, mais je sais qu'il y a autre chose, David. Je suis pas rendu plus loin que ce que je suis là, mais je sais même pas où je suis rendu, mais je sais qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que l'esprit qu'on Il y peut a plus que le canaliser. supramental puis la fusion avec ça. OK. Il y a plus. Beaucoup plus. Mais il viendra en temps et lieu l'information. Oui, c'est ça, Ben chaque chose en son temps, là, mais déjà ouais, d'intégrer hein. l'esprit, c'est pas mal de travail, là, tu Ben oui, on a pour une couple de 1000 ans, là, tu sais. sais. On repassera dans 10 000, là. Des fois, je ris en disant à mon contact, ça, que je reviens pas ici avant 10 000 ans, s'il vous plaît, là. C'est pas facile vivre sur la planète Terre en sachant tout ce qu'on sait avec le temps. Moi, je vois la souffrance. Regarde, on parlait de la petite fille, il y a eu ça, là, la petite fille qui a été martyre. Il y a plein de souffrances sur la planète qui se passent, puis il faut garder notre centricité là-dedans. C'est pas facile. Moi, des fois, j'ai un petit égo qui part là-dedans, là, qui glisse. J'aime pas. Moi, l'idée que l'humanité s'empoche, que 400-500 petits. Je vais être méchante, là. 400-500 trous de cul sur la planète qui maintiennent la masse monétaire, puis pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui crèvent de faim, puis on s'en contre-crisse. On est bien plus porté à aller ramasser une baleine échouée sur le bord du Saguenay, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que le monde réalise, ça n'a pas Non, d'allure. non, mais il y a eu des manifestations, entre autres à Wall Street, contre le 1% qui contrôle tout, là, il y a quelques années. Oui, Il y a une c'est ça. tension qui est là. Sans doute, à un moment donné, il y aura un rééquilibrage au niveau économique qui va être de l'ordre de la nécessité parce que l'information circule sur Internet par rapport aux abus, puis la concentration de l'argent, puis les gens qui gagnent des salaires astronomiques, plusieurs fois la personne au bas de leur pyramide de leur entreprise. Donc, il y a une... Puis ils ne sont pas nombreux, hein, David. Non, non, non. Mais moi, c'est parce que ça fait 40 ans que je sais ça. Là. Ça fait 40 ans que je sais qu'ils sont 400-500 sur la planète là, qui maintiennent 400-500 personnes, gros max, qui détiennent la masse monétaire de 7... On est combien de milliards sur la planète? Là? Peut-être 7 milliards à peu près. Imagine, tu sais, on est vraiment dominés, contrôlés, comme des zombies. Là. Exact. Moi, ça me fait souffrir que je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas neutralisée à ce niveau-là. Je suis neutralisée dans le sens que je sais qu'il n'y a rien à faire, donc je dois vivre l'impuissance, c'est ça qui me fait souffrir. L'impuissance, on ne peut pas agir présentement. Quand même, je voudrais faire quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre que vivre ma vie. Mais voir cette souffrance-là, je suis désolée, je ne suis pas du tout imperméabilisée à ça. Je voyage plus pour ça, d'ailleurs, parce que je ne suis plus capable de voir le monde souffrir. Je voyageais beaucoup en Afrique, dans des pays, j'ai été chercher beaucoup de mémoire comme ça, des pays différents, mais je ne suis plus capable de voir les gens dans des Mais états ça, je trouve de souffrance. ça gros de s'arrêter de voyager à cause... Des injustices qu'on peut percevoir, là, dans le sens que, pour moi, l'intégration de la conscience supramentale doit viser, oui, être conscient de qu'est-ce qui se passe, mais d'être capable d'être neutre par rapport à l'événement pour pas les motiver inutilement, là. Oui, je comprends, mais David, irais-tu t'asseoir à côté de quelqu'un? Tu pars d'ici là, avec ton gros bedon plein, là, puis aller t'asseoir à côté de quelqu'un, d'un enfant qui a faim, toi, là, puis rester indifférent? Oublie ça. Moi, je voyage pas dans des pays qui sont comme les miens, hein, quand je voyageais dans des pays qui me dépaysaient. OK. Mais il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, excusez-moi, là, mais le monde tourne pas autour du Québec, là. Le deux tiers de la planète ne roule pas au rythme d'ici. Faut sortir des. Tu sais, vas-y, en Inde, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté émotionnelle. T'sais, en Inde, une femme se fait violer dans un autobus, personne n'intervient. Tu penses-tu que j'ai le goût d'être témoin de ça, moi? Oublie ça, je vais intervenir, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr que ça n'a pas de bon Ben oui, sens, mais là. c'est ça, je veux. Ben oui, Exact. mais Non, non, je c'est. comprends ce que tu veux dire mieux, là, présentement. C'est dans ce sens-là que je dis je voyage Mais moins, ça, parce c'est un que. autre aspect. Ce qui me vient en tête, c'est est-ce que ton cheminement de conscience a fait en sorte que ton niveau de sensibilité a beaucoup augmenté, Bien sûr. ce qui fait en sorte que ce qui heurte pas certaines personnes parce qu'ils ont encore des gros égos va te heurter davantage. Puis là, pour des raisons de protection de ta sensibilité, tu ne vises plus à voyager dans certaines zones où ce que les égos sont plus opaques. Exact, c'est vraiment ça. Tu deviens de plus en plus sensible. Plus tu écoutes, plus on est à l'écoute de nos affaires, ben oui, j'ai un senti extrêmement développé. C'est assez surprenant. Des fois, je vais dire des choses. Des fois, là, j'ai des gens couchés sur le dos dans mon studio, puis ça passe à travers moi, l'information, mais moi, je le vois dans le corps. Je suis capable de lire des choses que je vais transmettre, des fois, de façon délicate. Puis là, les gens me disent, ah, comment ça se fait que tu sens ça? C'est ça. Mais J'étais juste peux-tu me passé. donner un exemple concret de choses pour que je puisse comprendre, là? Ben, là, ça ne me vient pas, mais attends, quel genre de choses que je pourrais. Ben, l'autre fois, j'ai dit à une élève, ah, t'as la. Attends, c'était quoi? Ouais, c'est ça, je m'en. Tu sais, David, c'est spontané, hein, Non, c'est je comprends, rarement là, ouais. mémoriel. Mais je vais être capable de dire quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui est directement sur ce que la façon dont ton corps bouge, je veux dire, aligne telle affaire, puis là, il y a tel. Tu vas sentir tel circuit décoller, mettons, ou telle énergie monter. Puis c'est ce qui se passe. Puis là, la femme ou la personne va me dire, ah, waouh, c'est vraiment ce que. C'est libérant. Ça va aller jusque-là. Mais c'est une sensibilité que je suis capable de lire dans le corps humain, la détresse. Puis la lire me permet d'aligner quelque chose. C'est ça, un alignement. Tu te dis, ah, fais telle affaire. On va faire telle affaire. Mais là, ça ne me vient pas vraiment comme ça. Je ne réponds pas vraiment à ta question, mais ça va me revenir. À un moment donné, ça Non, non, viendra. mais c'est correct. Mais en fait, ce que je capte, c'est, mettons, tu Mais perçois plus une... de grande sensibilité, plus tu développes Oui. en conscience, plus tu deviens sensible, je suis sûre de ça. Puis surtout parce que je pense aussi que je suis une femme, ça, il y a quand même une notion différente entre l'homme et la femme. Je ne dis pas que l'homme est insensible, on se calme, là, c'est pas dans ce sens-là. Mais le corps émotionnel de la femme étant plus grand, ça peut faire plus de sensibilité, oui, je pense que oui. Mais disons Plus de. qu'entre Oui, l'homme et excuse. la femme, c'est différent, mais c'est sûr que dans mes constatations, habituellement, les femmes sont plus sensibles ou intériorisées que les hommes, sauf pour les hommes qui ont développé plus la polarité yin. Ouais, puis ça, c'est de plus en plus ça, là. Moi, personnellement, la femme chez moi s'est incarnée vers 50 ans, pas ça. Et j'ai 58 ans. Ça fait pas longtemps que je suis une femme. Tu veux rire, on peut rire. Je rencontre Pierrette. La femme de Bernard faisait de la consultation dans le temps. OK. Je sais pas si tu as su ça, mais Pierrette faisait de l'individuel. Et j'ai voulu aller la rencontrer, ce que j'ai fait. Elle a jamais voulu me revoir. Moi, je voulais continuer avec, mais il n'y en était pas question. Et elle m'avait dit, « J'espère, Mona, qu'un jour, vous intégrerez votre féminité. Parce que pour l'instant, c'est pas là. » Ça a pris 50, 40 ans que j'ai dit, mais j'étais très masculine, moi, mais d'apparence très féminine. OK. J'ai découvert que, putain, c'est une expérience qu'on pourrait parler, ça, c'est intéressant. C'est un des volets de la conscience, c'est que quand je te disais, je voyageais à un moment donné, j'étais en Guadeloupe, puis j'étais sur une plage, il y avait isolé sur une plage, je vivais là en passant. Donc, de midi à 3 heures, c'est l'heure où tout le monde fait dodo, la sieste, où on se promène sur la plage, on relaxe. Et moi, j'étais toute seule sur une plage de nudistes. OK. Et il y a trois hommes, il y a trois Guadeloupéens qui sont venus pour m'agresser. Et par la suite, j'ai réalisé que je n'étais pas agressable tellement j'ai réagi. C'était d'aplomb, hein? C'était aligné, pas à peu près. Si une femme a peur de l'homme, à partir de là, moi, ça a été fini. Je n'avais plus peur d'aucun homme. Parce que ça vient avec nous. Dans la femme, on a peur de l'homme. C'est quasiment, je dirais, pas génétique, mais pas loin. Tu m'entends souvent les femmes dire « Moi, j'ose pas me promener seule la nuit » ou « J'aime pas faire ça ». Tu sais, c'est la peur de l'homme d'être attaqué ou je sais pas quoi. Moi, ça s'est brûlé là. Mais parce là, que trois hommes qui me... Oui, c'est ça, trois hommes. J'imagine que tu étais nue sur la plage ou... J'étais nue sur une plage, 110 livres mouillés. J'avais l'air d'une vraie folle, que je suis sûre. Avec... j'ai vu trois gars arriver de loin. J'ai fait « Ouh, ça va être le party ». Et par en dedans, c'est venu fret, David. Là. Fret, là. Frette, assez que même moi, j'en suis encore marquée par ça. Et je me suis levée debout, puis ça, par en dedans, je me suis dit, s'ils me passent sur le corps, ils vont l'avoir gagné. Ils n'ont même pu s'approcher à un pied de moi. Je ne sais pas ce que je dégageais, je n'avais pas de miroir à me voir. Mais je les ai juste regardés et attendus. C'est tout ce que j'ai fait. Je me suis tenue debout, tout nu, devant trois gars, puis je les attends. Ça a été fini. Les trois gars, ils ont viré bout pour bout de partie, puis ils m'ont traité toutes sortes de noms en créole en me disant que je n'étais pas une femme. T'étais-tu en position pour faire un combat avec des arts martiaux? Pas pantoute, j'avais même pas encore connu l'aïkido. OK. Non, c'est ça, j'ai dit, j'avais un côté masculin sans le savoir. Et j'ai découvert la force qu'on a intérieure. La femme, c'est pas ça peut être un combat physique, oui, certes, mais en dehors des muscles et du squelette, on a une force mentale incroyable. Et je sentais que je pouvais les tuer, vraiment. J'ai touché à la... Je savais que je pouvais être tuée. Puis moi, rendu là, j'ai découvert s'il y a la vie à la mort. Tu me confrontes jusque-là s'il y a la vie à la mort. Je m'en sacre, rendu là. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Puis c'est pas la seule fois que j'ai été menacée d'agression. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Même à Montréal, j'ai déjà eu un monsieur qui... J'avais donné une tape sur son véhicule qui me rentrait quasiment dans les jambes quand je traversais. Puis c'était à la suite de l'accident d'auto que j'avais eu quelques... moi plus tard, fait que j'étais sensible un peu aux autos. J'avais donné une tape sur son devant d'auto. Oui. Écoute, il a fait tout un détour pour venir me ramasser sur le trottoir par là pour faire un tour. Et il est revenu, je ne sais même pas, je marchais, je m'en allais, moi là, d'un coup, je l'ai dans ma face. Un monsieur d'un mètre 90, il m'a pris par le collet, il m'a levé deux pieds dans les airs, je ne touchais même plus le sol. J'étais pas grosse, je suis pas grosse, hein, mais puis là, je suis partie à rire. Écoute, je pars à rire, j'ai dit, eh ben, vous avez dû trouver votre permis de conduire dans une boîte de cornflakes, vous? Il m'a trouvé tellement débile qu'il m'a lâché. Tu sais. Pouing! Mais j'ai pas peur. J'avais pas peur de l'homme. Après, l'ego récupère l'expérience, puis c'est autre chose. Mais sur le coup, aucun problème. Donc, la peur de l'homme, je connais pas ça. Puis même mon chum qui fait de l'aïkido un jour... Ah, ça, tu vas rire aussi, c'est intéressant. Je suis dans un dojo. J'ai pris des cours d'aïkido longtemps. Je peux plus, mais... J'ai beaucoup aimé l'aïkido. Et un monsieur qui débarque dans le dojo, ceinture noire, troisième dan, qui est convaincu d'être bien bon, mais moi, je suis débutante. Et mon conjoint monte une technique. Comment sortir de la prise de l'ours, quelqu'un qui te prend par derrière, qui t'attrape par derrière. Puis il monte la technique bien comme il faut, puis le monsieur, il travaille avec moi. Fait que moi, j'applique... Dans un dojo, c'est très gradué. Hein. C'est les plus gradés qui commencent, puis les moins gradés qui font les cobayes. Alors moi, je prends la prise de l'ours, puis je le tiens. Puis le monsieur essaie de faire la technique, puis il n'est pas capable de sortir. Fait qu'il appelle le sensei. Fait, sensei, sensei, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, mon Thaï, mon conjoint s'appelle Thaï. Il dit, ben c'est parce que tu n'appliques pas la technique. Il faut que tu descendes au lieu de lever les coudes sur le côté. Il faut que tu descendes pour débagager. Parce que la personne, elle peut être plus forte que toi, tu sais. Fait que si tu cherches à sortir par les côtés, ça ne marchera pas. Fait que là, il recommence, mais il continue à vouloir sortir par le même, les côtés. Fait qu'après 4 reprises, il était exaspéré. Le monsieur était sur le bord de me donner une claque sur la bouche. Là. Il me dit, ben là, je comprends pas, sensei, comment ça se fait que je suis pas capable? C'est quand même rien qu'une femme! Mon conjoint qui répond, ouais, mais pas n'importe laquelle. Celle-là, elle est très forte. Ouais. Mais moi, il m'avait mis le faux cul, le bonhomme. Parce que j'étais assez, j'ai un petit côté, viens pas me dire que je suis faible, tu sais. Fait qu'il me dit ça, j'étais quand même mieux qu'une femme. Il est jamais sorti de la technique, je te le garantis, il est pas sorti de là. Il est jamais revenu dans le dojo parce qu'il s'est fait battre par une femme. Ben, t'as un côté rebelle. Ben, ça c'est sûr, tu Ouais, peux ben c'est pas être. ça. En fait, ce qui m'est venu tantôt comme image, puis Oui. tu me diras comment que tu vibres par rapport à ça. C'est parce qu'à un moment donné, Daniel Ménard, il parlait que dans une vie antérieure, il était un samouraï. Il y avait Charles Sabourin aussi, puis il y avait d'autres personnes de son environnement. Et puis, tantôt, quand tu parlais de ça, je me suis dit, coudonc, as-tu été samouraï ou faire des Oui, arts martiaux dans. OK. je te le confirme. Puis je peux Bon. même te dire, je l'ai su en croisant mon chum. J'avais été mon chum aujourd'hui, a été mon conjoint en 1688, prof d'art martial qui m'a éduqué en art martial. J'ai toute une information quand je l'ai croisé. Mais je suis. Tu m'aurais demandé ça sur canalisation, j'aurais jamais été capable de te donner cette info-là, mais je l'ai su en le croisant. Et je savais que ça allait être mon conjoint dans ce vie-ci, que c'est une suite de notre ancienne vie, puis qu'il y a des dettes à mon égard en plus. Oh, avec intérêt et Intérêt versé. C'est pas une blague. Ça me l'a dit de même. Là. Ça m'a dit, ce gars-là, moi, c'est parce que dans le temps, comment ils m'ont expliqué ça, c'est que dans le temps, lui, ils m'ont éduqué à l'art martial, puis c'était Oui. interdit aux femmes. OK. Lui, il avait été engagé par mon père à l'époque, qui est japonais, là, dans une autre vie. Et cet homme-là avait engagé Thaï comme maître d'art martial pour ses garçons. Mais moi, j'étais la cinquième d'une famille de 4 garçons, cinquième la fille. La plus jeune, c'était moi. Mais j'étais la plus douée. Alors lui, Thaï de l'époque, Oui. samouraï, me montre les arts martiaux à moi parce que je suis douée. Et il a été banni de l'espace où il enseignait, et moi je l'ai suivi comme femme. Fait que je suis partie avec Thaï, puis dans cette vie-ci, parce que j'ai quitté ma famille à cause de lui, il me devait ça aujourd'hui. Mais bon, on s'amuse. Oui. On s'amuse. Mais quand je l'ai vu, je savais que j'avais fait de l'art martial, même lui. En 5 ans, je suis devenue ceinture noire, qui se fait à peu près en 10-12 ans. Puis c'est pas parce que c'est Thaï qui me graduait, ça n'a rien à voir, c'est même pas lui qui graduait. Non, mais c'est ça, les mémoires d'âme, ça, c'est un autre aspect. Exact, exact. Ils peuvent avoir un impact que la personne apprend plus vite que d'autres. On voit entre autres des jeunes enfants, ils ont 5-6 ans, puis ils font de la musique. Des fois, c'est impressionnant, un jeune enfant qui joue du violon. Puis c'est un virtuose, alors que normalement, ça prend plusieurs années. Puis c'est ça, toi, c'est au niveau des arts martiaux, ce que tu avais sans doute déjà eu de l'expérience. Puis là, c'était tout simplement de réactiver le circuit qui était déjà là. Ben, au katana, ça paraît. J'en ai un d'ailleurs continuellement. J'ai toujours mon katana avec moi. À côté de moi. Oh oui, j'ai une mémoire japonaise, clairement. Puis des fois, les gens viennent chez moi, c'est décoré, très épuré. J'ai un côté très japonais chez moi. Mais Daniel m'en parlait souvent parce que j'avais un katana, puis il est pas aiguisé, puis je veux pas me péter la face avec, là. Mais mon chum, il a un katana aiguisé, puis il se coupe des fois avec. Mais c'est des mémoires, mais il faut vivre nos mémoires, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Puis je vois pas en quoi c'est un problème, les mémoires. Ça fait partie du plan de vie terrestre. On vient ici. Non, non, mais en fait, le problème vient si la personne émotive les mémoires, puis là, elle se met à souffrir émotivement en relation avec ça. C'est plus ça. Ouais, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup l'aïkido. Si je peux en faire, j'en ferai. Je te parle de ça, hein, parce que c'est un bel art martial. Les gens qui ont. Tu sais, qui souffre beaucoup dans le développement de conscience. Daniel Kemp, il avait commencé. J'ai connu un petit peu Daniel Kemp dans le temps. Moi, ça a été mon premier contact. J'ai dit Bernard, mais en fait, excuse-moi, tu vois, j'ai la mémoire. Il n'y a Hein. pas de C'était problème. Daniel Kemp, en fait, mon premier contact. L'enfant de Teflon. Tu sais, tu parlais de rebelle, voilà. Oui. Voilà, merci. C'est ça, la rebelle a lu l'enfant de Teflon, ben, elle a comme fait hey, mais c'est moi, ça. C'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, avec Daniel Kemp dans le groupe des chefs. n'a pas duré longtemps, je te bourrais. Ah, Un an. pourquoi que ça n'a pas duré longtemps? Ah, c'est insupportable, on se calme. Insupportable de. Les groupes, c'est ça, je te dis, moi, David, les groupes, pas capable. Tout le T'es monde dans le au... bois, à faire Ouais. des expériences dans le bois. Il y a eu des choses très intéressantes qui se sont passées, dont des visites d'extraterrestres, que j'appelle, hein, d'entités, de toutes sortes d'affaires. Mais franchement, ça m'emmerdait d'être, je sais pas, comme un code à suivre, une façon d'agir, que si tu faisais pas ça, t'étais pas dans le groupe des chefs, t'étais pas un chef. Alors moi, ça Ah, ben, m'énerve. tu avais à te Là. soumettre à ce moment-là à l'autorité d'une hiérarchie, là. C'était structuré, Ben, puis, ouais. non, moi, la hiérarchie puis moi, ça va pas bien ben ensemble. Je pense qu'il y en a une hiérarchie, mais j'ai pas de. C'est pas vrai qu'on est tous égaux en termes de développement. Ça, pour moi, il y a du monde. Ménard m'expliquait ça. Tu sais, si on peut parler de Daniel, je trouvais ça intéressant. Daniel, il me disait tout le temps, il y a du monde qui vient nous. On vient au monde avec une batterie. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, puis il y en a des grosses. S'il y a une injustice, elle est là. S'il y a une hiérarchie, là, elle est là. Mais c'est tout. C'est pas parce que tu es vice-président d'une entreprise, puis que l'autre est éboueur, que tu as une hiérarchie. Là, la hiérarchie, pour moi, c'est ça. C'est ça que je reconnais pas, moi. Puis j'ai jamais reconnu ça, tu sais, David. J'ai même travaillé à Hydro-Québec, ça, c'était drôle. Je travaillais à Hydro-Québec en communication pendant 5 ans. Et j'ai été plusieurs années sur un poste de communicatrice, en graphiste. Oui. Puis je croisais le VP environnement dans l'ascenseur souvent. Et moi, j'ai dit des choses au vice-président d'environnement que les gens me disaient, mais voyons donc, t'as pas osé dire ça. Mais ben, je vois pas pourquoi j'aurais pas dit. Puis lui, il était mort. Mais Monsieur Dubois, Daniel Dubois, écoute, il va se souvenir de moi toute sa vie, ce monsieur. Il était super content. Moi, je disais, monsieur, un exemple. À un moment donné, il avait coupé. Bon, on fait des coupures dans l'environnement, on coupe les budgets, des dîners, de ci, de ça, puis il coupait. Mais moi, je remarque qu'il coupe pas du tout le gros. CA, là, le conseil d'administration avec le gros traiteur puis les bouteilles de vin une fois par mois. Mais ils ont coupé la secrétaire. Ça, c'est important dans la vie. Mais moi, j'y ai dit. J'ai dit, ben, monsieur Dubois, vous nous parlez de couper ici, couper ça, des économies, mais j'ai dit, vous faites pas trop votre part, hein, vous faites n'importe quoi. Les parties, les grosses bouteilles de vin dans notre face, puis vous coupez la secrétaire qui a l'autre bout de son petit salaire. Je sais pas, là, je trouve ça un peu dur de vous prendre au sérieux. Et j'ai dit ça de même. Comment il a réagi? Il est parti à rire. Il dit, mais oui, vous avez bien raison, vous. Ben, il était. Mais je reste toujours poli, là, en Oh oui, passant. oh oui. Mais quand il a Ben, il dit. dit, il a coupé, après, il a coupé les bouteilles de vin puis le traiteur. Ah, ben, c'est intéressant si c'est ajusté. Parce que, tu sais, il y en a que c'est la Totalement. conformité d'apparence. Ils vont dire, oui, vous avez raison pour, t'sais, pour pas que vous fassiez de l'escalade. Mais là, si c'est ajusté, c'est intéressant. Oh, ouais, mais je vais être de même, je peux croiser le pape. J'ai pas de filtre. Hier, je m'en vais au marché central. Je ne sais pas si tu es dû aller à Montréal, Jean Talon, Coin-Saint-Denis. Il y a un marché asiatique qui s'appelle le marché oriental. Non. Mon conjoint est vietnamien, puis tu sais, je cuisine un petit peu vietnamien. Puis c'est surtout lui hier qui voulait faire des crêpes vietnamiennes. Fait qu'il dit, bon, on va m'acheter tous les ingrédients, puis il me nomme la liste. Puis rendu dans le magasin, des fois, je suis perdue. Fait qu'on m'aide, puis là, c'est la farine pour te la faire. C'est pas toujours évident. Et tout à coup, j'arrive devant une fèche germée. Et il y a une dame asiatique qui serre les fèves germées en même, ses deux mains bien propres, dans les fèves germées, quand il y a une belle fourchette à côté. Alors, me voilà-tu pas transparent, qui lui dit gentiment, ben voyons, madame, faut pas prendre vos mains pour servir vos fèves germées. T'aurais dû voir le regard noir que je me suis tapé, toi. Elle a pas aimé mon commentaire, mais pas du tout. Mais moi, je suis pas capable de pas le dire. Ça serait le premier ministre, j'aurais dit la même chose. Alors, bon, la dame, elle a été frustrée après moi, puis est partie en me regardant comme si elle avait pu m'assassiner de ses deux yeux. Mais je lui ai dit pareil, mais j'ai pas de guerre, j'ai pas fait de guerre, j'étais pas en haine après, Non, j'étais pas non, en mais c'est train de ça. Tu peux justifier. dire quelque chose à quelqu'un avec transparence sans chercher à la dominer. Exact. Mais il y a des gens, c'est ça, ils sont très réactifs émotivement. Fait que moindrement un commentaire qui font pas leur affaire, puis ils vont vibrer à de la grosse astralité, tu sais. Ben moi, on m'a souvent dit que j'étais très dominante, puis j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre dominant et dominateur. Oh, c'est quoi la différence? Ben, c'est exactement ce que tu viens de dire, David. OK, parce que Dominant, pour j'ai moi, pas d'intelligence. c'est Ah, pas m'excuse. dominant, tu sais. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire à l'autre. Pour moi, c'est pas de la domination, c'est de la transparence. Ouais, et pour certaines personnes, là, c'est parce que mais mettons que je vibre quelque chose. Moi, si tu touches aux enfants, j'ai une vibration qui devient instantanément en colère. Là, on va me dire, t'es dominant, parce que c'est de la colère, c'est toujours plus dérangeant. Non. Dominateur, c'est vouloir avoir raison sur l'autre. Dominant, c'est exprimer un point de vue avec force. Souvent, c'est interprété comme dominant. Là, hier, je n'étais pas dominante, je n'ai pas dit à la Vietnamienne de façon, peut-être qu'elle était chouette, je ne sais pas, là, mais je n'ai pas dit à la dame, ben voyons donc, tabarnak, c'est quoi que tu fais là, okay. Non, j'ai juste dit, j'ai juste dit, madame, on ne prend pas les feuilles germées avec vos deux mains comme ça. Juste dit ça de même. J'ai failli dire, peut-être vous aviez la main ailleurs avant de vous servir ça, hein? Je ne sais pas ce qu'était votre main, moi. Espérant que la madame était pas trop nounoune. Ah, très bien. En tout cas, des fois, on pense qu'il parle pas français, mais elle parlait français certain. J'ai pas dit ça très, très fort, mais elle a très bien compris. Tu sais qu'avec les Asiatiques, faut pas que. Comment dirais-je? Ah, tiens, c'est un Ah, volet qu'on faut pourrait pas leur faire aborder. perdre la face. Exactement ce que j'allais dire. Chaque culture, puis chaque race, non, c'est plutôt culture. Il y a un code d'entrée, hein? Faut faire attention à comment on s'exprime, c'est ça. Mais déjà, je faisais honte de dire devant les fèves, là. Mais y avait-tu d'autres personnes, tu sais, Oui, s'il y il y a avait d'autres toujours. personnes, là, elle peut interpréter ça comme si c'était une espèce d'humiliation publique pour elle, tu sais, à son ego. Oui, mais moi, ça me tentait pas vraiment d'aller manger des fèves avec ses mains que je sais pas d'où ils sortent. D'accord avec toi. Question d'hygiène, quoi. Mais bref, dominant, domination, c'est quoi la différence? Dominant. Ben moi, pour moi, la différence, c'est ça. C'est dans le vouloir avoir raison qu'elle devient dominateur ou dominatrice. Il n'y a pas Exactement. d'échange. Il n'y a pas d'échange là-dedans. Mais dominant, je pense qu'il faut être dominant pour être capable d'intégrer de l'énergie supplémentaire. Il faut avoir une crise de caractère quelque part. Ben moi, je vais plus travailler avec le concept affirmé, tu sais, quelqu'un qui fait preuve d'une affirmation de soi. Ouais. Daniel, il disait que ça prend des gros égos pour avoir les gros canaux. Ouais, j'étais bienvenue dans le club, je disais. Ouais. Mais l'ego nettoyé, à un moment donné, il finit par être plus petit, là, mais. Bernard disait ça aussi, David. Je ne sais pas si tu as lu une pause que j'ai faite à un moment donné. J'ai parlé de la grenouille qui Ah dort. oui, j'ai trouvé ça intéressant. C'est Ménard, ça, qui m'avait expliqué ça. Tu sais, je réagissais à la souffrance, l'absurdité de la souffrance. On a tous un peu cette réaction-là quand on découvre qu'il y a des univers où on pourrait vivre bien autrement. Exact. Et je disais, ben, c'est de la merde, ça. Mais il me disait, tu sais, Mona, pas de choc, pas de développement. C'est ça. T'sais, tantôt, tu disais pas, ça prend un choc dans l'ego pour créer quelque chose qui sort de son petit côté habituel. Là. Ben, c'est ça, la grenouille. Si tu la mets dans l'eau puis tu fais partir l'eau tranquillement, la grenouille adore. Elle meurt là. C'est ça, elle meurt ébouillantée en augmentant l'eau progressivement, la chaleur, là, ouais. C'est ça, on l'adore au gaz, elle s'habitue à la température, comme nos égos, on s'habitue. Tu sais, on est capable de s'habituer à tout et au niveau de l'ego, même à l'incroyable souffrance humaine. Hein, si tu regardes ce qui se passe, il y a des gens qui sont complètement. Tu sais, il y a une différence entre être sensible puis protéger notre sensibilité et de la souffrance humaine qu'on voit présentement qui est de plus en plus intense là, pour la fin du siècle. Mais on peut aussi vivre une totale indifférence, puis en apparence, c'est presque pareil. Mais Oui. l'indifférent, c'est pas celui qui est sensible. Non, c'est ça. Ça a-tu de l'allure ce que je dis? Je suis partie, moi. Oui, mais c'est d'apporter des nuances et des clarifications dans le sens que quelqu'un qui est indifférent, il est plus dans le déni. T'sais, il veut pas voir qu'est-ce qui se passe. Il y en a un qui voit qu'est-ce qui se passe puis il capote. L'autre, il voit qu'est-ce qui se passe puis il est capable d'être stable psychiquement. Ouais. En comprenant l'expérience, mais en même temps, toi, ça te fait-tu du bien de savoir, tu sais, que les gens souffrent parce que karmiquement, ils ont choisi ça, de s'incarner? Moi, ça ne me soulage pas de savoir ça. Même si je sais que c'est ça ne me soulage pas. Ben, dans le sens, ça m'apporte une certaine paix de l'esprit en sachant que cela a une utilité. Je suis sur le bord d'être choquée. Continuons. Mais t'es pas obligé d'être d'accord. C'est sûr Ben que. non, je le sais. Mais pour aller chercher l'information qu'on parle, il faudrait que je sois en colère. Parce que la colère, ça fait. En passant, on pourrait parler de la colère et l'importance de la colère dans la vie. C'est très important. C'est pas vrai qu'il faut éteindre la colère. Éteindre la rage, c'est une chose. Mais la colère, c'est fondamental. Et regarde dans nos sociétés ce qu'ils essayent de faire. Nous faire taire. On n'a plus le droit de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils veulent bloquer, tu penses? Les cochons de la planète, là? C'est ça, c'est l'expression de l'énergie de la colère. Exact, parce que la colère change quelque chose vibratoirement. Exactement. Ouais. Ça, c'est intéressant que tu le nommes parce que c'est sûr que historiquement, si on parle entre autres par rapport à la femme, c'était pas bien vu pour une femme d'exprimer la colère au même titre qu'un homme de pleurer dans le passé, là. Puis David, c'est pas plus encore accepté. Moi, j'ai fait partie de gens d'affaires. J'ai eu deux business, je t'ai dit, hein. Une dans le monde astral, dans les clubs d'affaires, les clubs des initiés, les clubs de Montréal, le club d'affaires de Villeray. Puis je peux te dire qu'une femme qui a une colère, c'est jamais bien vu jusqu'à maintenant. J'ai crissé cela pour ça en passant. J'étais écœurée de me faire dire que j'étais pas normale. C'est quoi une femme normale? C'est doux, c'est fin, puis ça dit jamais rien? Voyons. Mais non. Ben non, c'est ça, ça n'a pas de sens, mais c'est vrai que c'est un tabou, surtout dans le domaine du nouvel âge, là. Oh, oui, avec les nouvelles âges, parle-moi-en, toi. C'est ça. Fais-moi grimper dans les rideaux. Continue, c'était bien parti. Nouvel âge. Ah, tiens, une phrase qui me vient avec le nouvel âge. Présentement, là, il va y avoir tellement de vérités sur la planète qu'un jour, l'humain devra convenir avec une seule réalité. Ah, une belle phrase, ça. Les spiritueux de la planète présentement qui se développent, là, toutes sortes d'affaires qui se passent. Il y a toutes sortes de. Tout le monde y va de sa petite pensée spirituelle, mais ça, là, c'est du divertissement pour l'instant, hein? Dans le Parce sens. ben, il y a des milliards de vérités, mais il n'y a pas des milliards de réalités. Désolé, c'est pas la même chose. La réalité, c'est pas des vérités. Là, on est dans la vérité de nos égos. Ah, OK, dans le sens que la vérité, c'est une forme et c'est pas le réel, là. Ouais, c'est OK. ça. La OK. réalité est très loin des vérités qu'on découvre présentement. Il y a beaucoup d'expressions de vérité, de spiritualité, tout ce que j'appelle le nouvel âge, et nouvel âge et tout ça. C'est tout de la spiritualité gommeuse, là. Ce que j'appelle des spiritueux, moi, là. Mais c'est pas. Puis je veux pas être arrogante, mais c'est quand même quelque part très moralisant. Tu sais, quand je me lève le matin et que je regarde dans Facebook que le dilemme dit telle affaire pour se sentir bien dans la vie, là, à un moment donné. Pfff, Non, j'y lis plus. Bon, bref. mais je te comprends. C'est la même chose pour moi. Il y a une résonance en décalage avec ce que je porte en moi, puis ça me rejoint pas. Tu sais, c'est souvent la haute spiritualité. Ils cherchent à dire tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis soyez dans la gratitude, l'amour, puis tout va vous arriver. Puis Puis automatiquement, tu croises quelqu'un qui va être polarisé dans la colère pour balancer cette astuce d'épée-là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui est tellement thinking positif, là, moi, je viens le fouquer instantané. Parce que c'est trop déséquilibré. Exact. Fait que la polarité, vu qu'on est sur une planète de polarité, c'est que moi, je vais être polarisée à vivre une colère parce que l'autre est dilaté. Mais quand tu comprends ça, ben, tu te tiens loin. Parce que c'est pour ça que je me retire. Puis je vis. Moi, j'avais un studio de 176 personnes. J'ai fermé le studio. J'ai rentré ça chez nous. Puis on est 50. Merci. Là. Studio de yoga? Ah oui, j'étais rendu gros, Yoga OK. Santité. C'était 176 personnes, 5 profs à demeure. Très, très in. Là. Puis j'ai fermé ça. C'était clair qu'il fallait que je ferme ça. Ça me mettait trop en colère parce que les gens débarquent là, dilatés, puis le ting. C'est très à la mode chez les yoginis de la planète, pensée positive. L'autre fois, je disais quelque chose, je suis au faux au cul, mon grand. Comment ça s'était marqué? Entourez-vous de gens positifs. Hey, tu iras dire ça à celui qui crève de faim, connard. Mais Non, c'est mais faut-il vrai. être assez riche pour dire des conneries de même? Riche dans le sens d'avoir besoin d'avoir à peu près tout. Là. Nous, on est en Amérique du Nord, on dépense, on consomme, on fait plein de niaiseries, là. Mais pendant ce temps-là, on est là, on a le luxe de penser positif, nous autres. Ben oui. Va dire ça aux deux tiers de la planète qui crèvent de faim, toi, là. Là. Va manger une claque à la gueule. Réfléchis 2 minutes, tu sais. Comment? Ça va plus loin que ça. Entourez-vous que de gens positifs qui vous nourrissent dans votre bonheur. Ben oui. Dors au gaz, bébé, t'es sur le bord de mourir. Non, mais si je leur formule différemment, ce Là, que tu te tu dis, fais chier. ouais, c'est intéressant, mais admettons, si on dirait, entourez-vous des gens sur la même vibration que vous. Non! Non? Non, David. Moi, j'aime ça de l'opposition. Amenez-moi de l'opposition. Au contraire, faut pas tout être de bonne humeur en même temps. Non, Ça mais va pas être tout trop. complaisant, là, mais tu sais, je veux dire, admettons, tu touches à une conscience qui a un taux vibratoire, naturellement, tu vas chercher à être en harmonie avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, dans le sens que ce soit facile. Je sais pas, je veux pas cette vision. Ben, je vais te parler de ce que je vis. C'est-à-dire, je Oui. fais des entrevues avec des gens sur Internet. Je vais choisir des gens avec lesquels que je sens que la vibration peut passer. Je choisirais pas d'interviewer quelqu'un qui va me parler des anges gros comme le bras parce que ça va créer trop d'opposition en moi. Je ne serais pas capable, surtout que je ne suis pas payé pour faire ça, tu Ouais. C'est sûr que c'est pas des tendances que je propose. sais. C'est pas très détendant. Mais on était dans le contexte de peut-être. Non, mais je comprends ton point. Ça peut pas être appliqué en tout temps, ce que je dis, c'est évident, là. Mais j'aime l'opposition parce que. Ben, regarde, hier soir, j'étais assis dans une petite soirée. Mon chum a invité quelques élèves. On est rien que cinq, là, mais cinq. J'ai un chum vietnamien. À ma droite, j'ai une femme chinoise qui est mariée avec un Français. Puis j'ai un Yougoslave au bout de la table, puis il y a moi à l'autre bout. On est cinq, puis on est cinq cultures complètement différentes qui parlons français. Et là, on a eu des discussions qui montaient assez intenses parce qu'on pense qu'on parle la même langue, même si on parle français. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash parce que je trouvais que la tension montait un peu trop, l'opposition, là. J'ai dit, ben écoutez, les amis, je pense qu'il faut prendre le temps de s'entendre parce que on parle français, mais on parle personne la même langue ici. Puis ça est devenu hyper zen, David, puis bien relax. Puis la dame chinoise que je te parle, c'est une jeune chinoise qui est vraiment un mindé chinois. C'est un autre univers, là. C'est vraiment fascinant. Puis on arrive à communiquer, mais il y a beaucoup d'opposition. Elle trouve qu'on est brainwashé. Moi, nous autres, on trouve qu'ils sont brainwashés. Puis on s'explique, c'est brainwashing de tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'en bout de ligne, il y a quelque chose qui a monté. Tout le monde qui disent toute la même affaire, il y a pas cette forme d'énergie qui. Je sais pas comment l'exprimer, là, Non, mais non, mais la on peut. diversité peut nourrir justement les êtres plutôt qu'être tout le temps Oui. dans la même chose, puis l'uniformité, ça c'est clair. Mais en fait, en ligne, ce que tu disais tantôt, ce qui m'est venu en tête, c'est que moi aussi, je suis intéressé à l'opposition, mais créative, là, dans le sens, Ouais. quelqu'un te fait une opposition, mais c'est pour rehausser ton taux vibratoire, pour t'amener aller plus loin dans la compréhension du réel, ça m'intéresse. Dans le sens que je suis en contact avec des gens, puis des fois, je leur demandais, là, dites-moi, c'est quoi mes quatre vérités, là? C'est les choses que je veux pas voir en tant qu'ego, mais mes angles morts. Si vous avez de la retenue, dites-moi là en pleine face. Fait que, pour qu'il y ait des ajustements qui se fassent, ça c'est Ben, intéressant. Ouais. Mais ben ça, moi, ça, oui. pour moi, c'est plus important que tout. Ce que tu viens de dire, c'est le plus important dans la vie pour moi. Ça, là, ce que tu viens de dire, ça me parle. J'ai toujours dit à mes amis, si tu es complaisant avec moi, tu n'es pas mon ami. Mais c'est ce que tu dis. Moi, j'ai Exact. besoin de Oui. buffer. Je n'ai pas de capacité de m'ajuster moi-même. Je suis désolée, là, je ne sais pas si les gens sont capables, mais moi, je ne peux pas. J'ai pas envie de me réfléchir moi-même non plus. Donc, ce que j'attends de mon environnement immédiat, mes amis, mon chum, ben dis-moi. Si tu veux, tu veux. Je m'envoie de la face dans le mur, fais-moi signe. Dis-moi, là, tu t'en vas à la face dans le mur, mon homme, là. Ton ego, t'as l'affaire. Peu importe la forme que ça prendra, si je suis intelligente, je vais l'entendre. Exact. Puis c'est important d'avoir ça autour de soi, David. Mais ça, c'est pas du monde qui pense comme moi, qui sont fins avec moi, puis qui sont gentils, puis qui me flattent l'ego dans le sens du poil, là. Mais je n'en veux pas de gens de même autour de moi qui me. Oui, je veux pas me chicaner toute la journée, c'est pas ça, là. Mais je veux du monde qui sont capables que quand ils trouvent que je suis dans le champ, qu'ils me disent, non, non, je te suis pas là-dessus, je suis pas à l'aise avec ça, puis pour telle raison. Ça demande. Bon, sinon, aucun intérêt. J'ai pas d'intérêt à avoir des amis qui me disent, oh, que t'es bonne, t'es fine et t'es capable. La flatterie me touche pas, moi, en passant. OK. Donc, c'est ça, c'est intéressant. C'est sûr que ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que, en ce qui me concerne, je suis intéressé à être en contact avec des gens, justement, qui vont être capables de faire des oppositions créatives par rapport à moi, mais dans le respect. Exact. Parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer, mais ça devient des attaques personnelles, tu sais. Ben, je ne sais pas si je peux dire ça. Tu coupes-tu au montage? Oui, ben, je vais me permettre un montage après, mais exprime-toi librement, puis après ça, je verrai, là. Non, mais par exemple, un exemple de différence importante. Moi, quand je parle avec Sergio, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un d'une autre planète complètement, mais je respecterais totalement sa personne. Donc, j'échange avec lui, mais des fois, je suis comme, ah, oh, quelle vision étrange qu'il a. Je comprends rien, des fois, strictement rien. Je suis comme, ah, oh, ouais. Mais il y a une vision qui est opposée à la. Pas opposée dans le sens, il dit d'autres choses, mais qui convient pas facilement avec ce que moi j'ai comme info, mais j'arrive à convenir avec lui très facilement pour autant. On se parle, on a bien du fun, là. Mais il y a bien des affaires qui disent que je sais pas quoi dire. Non, non, Puis des fois, ben, j'ai la même je n'ai chose pas. par rapport à lui. Il y a des choses qu'il dit que je ne suis pas nécessairement en accord. Mais je le respecte en tant qu'individu. C'est ça. Puis je pense qu'il faut vivre ça à tous les niveaux. Moi, même du monde que je. Il y a des gens que je trouve. Sans porter de jugement, ça serait quoi le bon mot? Mettons qu'il y a des affinités qui sont pas là, que des fois je trouve qu'il y a des gens qui vivent des vies extrêmement différentes de la mienne, qui ne conviennent pas. Mais même là, j'évite les jugements, puis j'évite de faire la morale, je me retire. T'sais. On a tous droit. Si j'ai appris quelque chose de Daniel Ménard et Bernard, c'est que on doit vraiment respecter l'humain. Exact. Ça, c'est clair. Mais Pourrais-tu faire la distinction entre entité et ambiance? pour moi, c'est pareil. Pour moi, une entité, c'est une ambiance. Écoute, une entité, c'est pas un fantôme, hein, avec un chapeau et des petits trous. C'est pas comme un film, là. Pour moi, une entité, c'est une ambiance. Ma mère, quand elle souffrait de maladie mentale, j'ai pas vu d'entité prendre forme, mais j'ai vu des ambiances prendre le contrôle d'elle en crise, par exemple. Elle parlait que c'était même plus elle. Exorciste dans ma maison, en passant. Oh! Ben oui, mais c'est ça le parallèle. Moi et ma soeur, des fois, on riait jaune, mais jeune, on riait jaune, parce que quand on a vu le film Exorciste, on n'a jamais pu être capable de dormir tout seul pendant 2 ans, parce on a fait hein, c'est ce qu'on vit chez nous. On a 14 ans, là. Fait que c'est ça, des entités pour moi. C'est des ambiances qui traversent l'humain. C'est la maladie mentale, on peut en parler. Les gens qui souffrent de maladie mentale, c'est des ambiances qui les possèdent complètement à un moment donné. Une pensée qui tourne en rond, puis ça se développe, puis plus d'un plus obsédé. Ben, l'obsession, c'est des entités. Ouais, ben si on part Pour du principe, la pensée vient d'ailleurs. moi. Donc, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que les gens perdent en contact avec la réalité physique à mesure qu'ils sont absorbés par une entité ou quelque chose qui amène la personne à perdre contact avec la réalité ou le concret, là. C'est quoi pour toi une entité? Alors, c'est quoi la différence? Est-ce que tu fais une différence pour. Ça peut être intéressant et instructif. Entité et ambiance, y a-t-il une différence pour Ben, en toi? ce qui me concerne, la distinction que je ferai entre les deux, c'est qu'une ambiance, c'est par rapport à une atmosphère. Donc, on peut dire que c'est par rapport à un regroupement d'entités, dans le sens que si quelqu'un va voir un match de hockey par rapport aux Canadiens, bien, il y a une ambiance qui peut être fébrile. Tu sais, c'est en la période de la Coupe Stanley ou peu importe. Il y a une vibration, on peut sentir une euphorie, ou quelqu'un va voir un spectacle d'heavy metal, on peut vibrer une certaine forme de colère ou de jeune qui se défoule. Ça fait partie de l'ambiance de l'endroit. Tandis que l'entité, c'est par rapport à la mémoire d'une personne qui a vécu sur Terre. Donc, Monde de la mort, OK. ouais, du monde de la mort, mais ça peut être aussi l'âme de la personne, l'entité, dans le sens que on peut communiquer avec un être décédé. Il y a des gens qui sont des passeurs d'âme qui visent Oui, à. mon père. C'est de là qu'il est devenu un passeur d'âme. Je Ah ne savais bon? pas. Mais c'est une voyante qui m'avait dit ça. Mais continue, ça m'intéresse ton propos. Donc, ça reste le monde de la mort, des C'est ça. entités. Ambiance ou OK. entité, c'est relié au monde de la mort, sauf que l'ambiance, c'est plus par rapport à un égrégore, une structure énergétique en relation avec un endroit. OK. Ben, on ne vous dit pas la même chose, mais on veut dire la même chose. J'adhère totalement à ce que tu dis, moi. C'est juste que je le décris plus simplement, peut-être. Je sais Bon, pas. peu importe. Dans le fond, je vois pas d'opposition vibratoire entre ce qu'on dit. Ça va dans le même sens. Oui, c'est ça. J'adhère à ça aussi. Mais je pense que c'est important de comprendre que c'est quand on se fait ramasser, peu importe ce soit qu'on dise entité ou ambiance, il faut être capable d'identifier quand on se fait ramasser. Puis je pense que ça vient avec la prise de conscience de ces univers-là, justement. Que Exact. c'est pas nous, c'est pas nous. Moi, je voyais très clairement, peut-être que j'ai eu le miroir, la possibilité de voir ma mère se faire ramasser, parce que ma mère était une femme extraordinairement brillante, sauf quand elle est possédée. Les entités qu'elle possédait, c'était ou des ambiances qu'elle possédait, c'était des enragés, puis ils étaient violents, puis ils haïssaient tout le monde, puis surtout l'homme. Alors, tout son corps se transformait, sa voix. Donc, moi, j'ai vu ça, fait que pour moi, c'est comme des ambiances, plus que d'autres choses, hein, mais effectivement, ça peut être bien d'autres formes. Mais il faut le savoir. Moi, je le sais. Quand je traversais, je le sais maintenant. Quand je suis dans l'ego, je le dis des fois. Je suis, ah, je suis dans l'ego, je comprends rien, je veux rien savoir. Mais c'est pas plus grave que ça. J'ai plus d'identification. Ça serait le fun d'avoir un sujet éventuellement là-dessus. Comment se désidentifier de tout ça? Parce que on n'est pas que. C'est rien l'ego dans tout. Moi, je trouve qu'on accorde énormément d'importance à l'astral, le monde de la mort, les égos, mais on n'investit pas assez sur l'esprit. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas de te voir tomber, c'est de te voir lever. J'ai deux petits gars que j'ai éduqués, qui ont 19 et 21 ans aujourd'hui. J'ai pas accouché, mais je les ai éduqués. Leur mère souffrait de maladie mentale. Tout ça pour dire que j'ai tout le temps eu comme phrase, ils tombaient, tu sais. Ah, ils ont volé, ils ont triché, ils ont fait des choses comme tout le monde. Puis là, je disais, bon, ben, une fois que tu as fait ça, on fait quoi, là? Hein, tu nous chicanes pas? Non. Ben, je trouve pas ça brillant, là, mais y a-tu moyen de corriger ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que. Là, c'est ça, je leur disais, c'est bien plus important de regarder comment tu vas te relever, parce que tomber, ça fait partie de la vie sur la planète. Moi, Se péter la exactement. gueule dans l'escalier, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'expérience, comme dirait Oui, Bernard. comme Bernard le dirait. Mais comment tu te relèves, ça m'intéresse, par exemple. Parce que tu te relèves-tu ou tu restes étampé là? Je vois même du monde qui sont tellement victimes de lui, qui sont rendus victimes de leur double. Ben, il faut le faire. Tu es victime de ton contact maintenant. Bon. T'sais, les gens se fâchent contre leur contact et Oui. leurs esprits. Ça, c'est être victime. Il me domine. Ben oui, moi j'aime bien mieux être dominé par mon esprit que dominé par l'astral. Je suis désolée, mais on reste en domination, on est d'accord. Oui. On se comprend. C'est pour ça que je te parlais d'une race libre. Parce que pour l'instant, la plupart des gens, on est dominé par le supramental quand on passe l'autre bord. Mais il reste, c'est Exact. de la domination. Exactement. C'est sûr que c'est une domination qui peut être plus fascinante parce que c'est créatif, c'est pas mental, tu sais, ça peut te mettre en vibration pour faire de la musique pendant 12 heures de temps ou tu sais, des affaires assez Oui, intenses, là. ben, c'est créatif, mais moi, ça ne m'a jamais mis dans le marde, par exemple. Financièrement, j'ai jamais eu de problème. Si j'écoute, je suis mon esprit quand même qui me domine. Il m'amène toujours dans une direction intelligente. Ah, ben Ben, ça, l'ego. c'est intéressant parce que je suis en contact avec des gens qui, sous l'influence du supramental, se sont mis à écrire des livres puis faire des choses. Ça n'a pas été nécessairement rentable Ouais, mais c'était financièrement. peut-être. Parce Ouais, qu'il ouais. était Ah fini. oui, c'est un sujet intéressant. C'est ça, parce Ça qu'il était peut. fasciné par l'occulte. Mais tu sais, c'est Ouais. pas parce que tu as accès à des informations que ça veut dire nécessairement que du jour au lendemain, tu vas te mettre à écrire des livres puis d'en vendre puis vivre de ça, tu sais. C'est ça, tu l'as bien dit. Fasciné par l'occulte. Je sais pas combien de fois Bernard le disait, puis Daniel le peut-être aussi, mais Daniel était plus occulte que Bernard, pas mal. Moi, je sais pas combien de fois Bernard le disait, occupez-vous de vos femmes, calice. Hey, je sais pas combien de fois il a dit ça aux gars dans la salle. Il disait, les gars, occupez-vous des femmes, occupez-vous de vos enfants, puis laissez faire les forces, puis l'occulte, c'est de la merde. Il le dit à toutes les conférences pendant des années, quasiment. Mais qui l'a intégré vraiment? C'est ça le problème. De l'intégration qui se fait pas. On philosophise, là, mais moi, j'ai plus le luxe de philosopher. Puis, de toute façon, ça m'a jamais intéressé. La philosophie, ce qui m'intéresse, c'est l'application, j'ai toujours dit. C'est pour ça que j'aimais Ménard, parce que Ménard nous amenait dans la concrétisation des choses. C'est bien beau ce que Bernard descend, maintenant, ça s'applique comment dans la forme. C'est ça qui me poussait vers ce travail. Mais je peux pas dire que. Moi, je trouve que j'ai une crise de belle vie, David, par rapport à ce que je vois autour de moi. Il y a des gens qui ont vraiment de la misère à survivre dans tout ça, là. Ils Oui. sont bien, bien conscients. Mais sont arrachés par la vie, ils ont de la misère à survivre. Bernard, il disait tout le temps, pensez pas que c'est les forces occultes, là, c'est qui va vous payer votre fonds de pension, tabarnak! Mais il avait raison! Tu sais, non, Oui. mais j'ai des amis, moi, qui sont presque 60 ans, pas d'argent, pas de rien, tu sais, qui peuvent même pas survivre, hein, à part sur le BS ou. Voyons donc, en quoi c'est intelligent, ça? Exact. Ben, moi, je suis désolée, ça. Puis, je suis pas. Soyez bien à l'aise de ne pas penser que je méprise personne. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qu'on n'a pas vu passer. Mais moi, l'occulte, je te l'ai dit, m'intéresse pas. C'est peut-être ce qui me protège le plus dans la vie, c'est que j'ai pas d'intérêt pour l'occulte. J'ai plus d'intérêt. Tu sais, j'étais clairvoyante. Je tirais au tarot à 20 ans, j'ai arrêté ça parce que tout ce que je disais arrivait, puis le monde m'engueulait. T'aurais ri pour mourir. J'étais à Hydro-Québec, je tirais le monde au tarot pendant que les photocopieurs roulaient. Écoute, c'était à mourir de rire. Puis là, le monde, il disait, mais tout ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Puis là, il y a des fois, c'était pas le fun. Hein? J'ai même déjà dit des choses que j'ai faites avec ta gueule. Mais j'ai arrêté avec ça parce que j'ai réalisé dans quel marde ça m'amenait. Fait que j'ai coupé, coupé, coupé avec le cul. Fait que Exactement, maintenant, parce que je ça peut dors créer des très bien. oppositions, c'est ça. Si tu te sers de message, tu deviens le messager ou messagère de l'occulte, tu peux en vivre les contre-coups, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, le plus important, c'est les gens autour de moi, puis payer mes factures. Oui. Personne va. Ben, peut-être que je viens d'un milieu où personne ne me prend en charge aussi. T'sais. On pourrait l'expliquer comme ça aussi. Moi, je n'ai pas eu de parents, je te l'ai dit. Là. À 18 ans, 19 ans, c'est débrouille-toi pour tes moyens. Ah, sur qui tu comptes, là? T'as une mère malade mentale. Penses-tu qu'à 2-3 ans, je savais déjà qu'il fallait que je m'occupe de moi? Ben, c'est là que j'allais en Mais. venir. Tu as probablement vécu une forme d'inversion de rôle par rapport à ta mère. Ben, c'est sûr. C'est surtout ma sœur. Moi, je suis le. Ma sœur est l'aînée, hein, fait que. C'est souvent le rôle qu'on a attribué à l'aînée, la pauvre. Ouais. Ma sœur a ramassé plus ça que moi. Même qu'un jour, ma sœur m'accusait un petit peu de l'avoir trahi parce que j'ai quitté le lac Saint-Jean. Puis j'étais pas capable d'y expliquer, j'étais pas capable de lui dire pourquoi à l'époque. Puis plus tard, ça s'est recalibré. Puis elle m'a dit, ben oui, c'est ça, tu m'as crissé là avec les problèmes. J'ai dit, Jojo, si j'avais pas parti, c'était une question de survie. Je pouvais pas rester. Je serais mort. Fait qu'elle a compris très rapidement. Fait que, mais oui, tout s'explique par nos vies, c'est sûr. Mais j'ai peut-être aussi l'attitude de jamais été victime. Je suis rebelle, tu l'as dit. Je suis pas une victime, moi, je suis une rebelle. Exactement, puis ça c'est un élément intéressant parce que pour intégrer la conscience supramentale, ben il faut être capable de la contester. Il faut se Tout à rebeller fait. contre les forces qui peuvent faire des abus de pouvoir au lieu d'être dans l'amour puis l'adoration. Mais même notre contact, moi j'ai des. Je sais pas si ça te parle, ça, mais le contact au début, il est vertical, mais maintenant, ça devient horizontal. Oui, il faut horizontaliser Hein? la relation, comme Daniel Ménard en parlait, c'est sûr. Oui, mais quand ça se fait l'horizontalisation, qu'est-ce que tu penses qui se passe? C'est des colères. Moi, tant que mon contact c'était par en haut vers le bas, ça allait bien, mais quand ça a fait un vis-à-vis, on chicanait un peu, là. C'est pas vrai que les plans supramentaux, ils comprennent tout de nous autres en passant. Hein? Exact. J'ai dû expliquer à mon contact, moi, il y a des affaires. Il y a des colères que j'ai dû faire, là. T'sais, à un moment donné, j'ai dû lui faire comprendre que je ne m'étais pas sur une planète à trois soleils, ça me pognait le foin-foin, là. Que j'étais pogné ici, t'sais, puis qu'il s'arrange pour que mes finances se règlent. Puis que j'ai pas à gérer ça, parce que quand t'es pauvre, tu peux pas développer de l'intelligence. Fait que crisse-moi la paix avec la pauvreté. J'ai mis ça bien clair, à un moment donné, là. Mais ça fait longtemps, là. Mais y a Ah, ben la ça, c'est colère. intéressant. C'est est-ce que l'être humain a le pouvoir de changer sa programmation d'âme dans le sens que s'il vit de la pauvreté, de devenir riche, est-ce que il a cette capacité-là de le modifier? Ça me dit oui, OK. mais il faudra l'explorer, là. Ça me dit oui. Ça me dit que oui, mais c'est pas simple de même, là. C'est pas, ah, j'ai décidé que je n'écoute plus ça. Ça marche pas de même. Il faut vraiment verticaliser, ramener le. Faut être. Attends, je vais l'exprimer comment ça sort, là. Ça se produit, ça, quand tu commences à être capable d'horizontalité avec ton esprit. Et c'est pas parce qu'on le veut, c'est quand c'est le temps. C'est différent. Donc ça, Mais, OK. oui, vas-y. Ça vient au principe que c'est pas toi qui le décide. Exactement. C'est pas parce que je voulais. Moi, j'ai pété des colères parce que, à un moment donné, je sais pas trop, ça m'a mis dans cet état-là, là. Puis là, je parlais à mon contact comme je parlais à mon voisin. « Hey, tabarnane, t'as-tu fini de me faire chier, là, c'ti? » Puis il a fallu que je me choque pour lui expliquer que moi, je fonctionne pas. Il a fallu que j'explique comment moi, je fonctionne pour que lui puisse mieux fonctionner avec moi. As-tu du sens, ça? Oui, mais c'est intéressant. Ben, il a fallu que j'explique. Il a fallu qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait les mettre à jour un peu. Mais peux-tu me donner un exemple concret de choses que tu expliquais à ton contact? Ben, que moi, me mettre dans la survie là, financière, comme quand je tendance, là, que ça marche pas avec moi. C'est pas intelligent. Parce que moi, je me mets en mode payer mes factures instantanément. Je me calisse de l'occulte. Je me calisse des forces. Je me crisse de tout. Je paye mes factures. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi je suis de même, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, si tu veux que je m'occupe de toi, il va falloir que tu payes mes factures ou que tu t'arranges que moi, je paye mes factures sans me stresser. Mais c'est mieux, ça s'est mis à débouler. J'ai jamais manqué de rien depuis 30 ans. Rien. Intéressant. Même quand j'étais en dépression, pas capable de travailler 2 ans, là, j'ai été 2 ans sans travailler, pas d'assurance. Ça m'a coûté 150 000 piastres d'ostéopathie depuis l'âge de 25 ans. J'en ai 58, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai pas d'assurance en passant, je travaille autonome. Jamais manqué de rien. Ça a toujours été un leitmotiv dans ma vie, ça. Mes besoins, c'est non négociable. Ah, voilà, c'est ça l'information nécessaire. Les besoins, c'est pas négociable. Si vous négociez vos besoins, vous êtes dans la merde. Que ce soit le culte, l'astral, le trou de cul, le voisin ou le supramental, c'est pareil. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il faut faire Donc, du. il faut définir nos besoins. Oui, exact. Nos besoins, David, mes besoins et désirs sont pas pareils. Et là, ça se corse. C'est intéressant parce que justement, avant que tu dises le mot désir, ce qui m'était venu en tête, c'était de faire la distinction entre les besoins et les désirs. C'est quoi, pour toi, que t'as comme... Je te pose la Oui, question, c'est quoi oui. qui te vient quand je te dis, c'est quoi différent? Qu'est-ce qui différencie un besoin d'un désir? Qu'est-ce qui te vient comme réponse? Ben, c'est que le besoin, c'est une nécessité pour fonctionner. T'sais, c'est, pour manger, c'est non négociable sur une planète comme la nôtre présentement, là. À part la personne, ça se nourrit de lumière, là, mais dans une composante biologique habituelle, tu es obligé de manger de la nourriture physique. Ça a l'air qu'il y a du monde qui se nourrit de lumière, présentement. Mais Il y en bon, aurait déjà. Bon, en tout cas, ceci c'est dit, je suis tout. d'accord avec toi, mais c'est le temps aussi. Tu vois, j'ai une autre information qui descend pendant que tu le disais. Le temps. Un besoin dans le temps, il revient tout le temps dans. Ça te revient tout le temps dans la face, autrement dit. Ben, un besoin, là, manger, boire, se loger quand en hiver il fait moins 30, on conviendra que c'est des besoins de base. Ouais. Mais moi, j'avais des besoins de sécurité financière. Claire. Non négociable. C'est un besoin pour d'autres. Mais moi, des besoins. Ce besoin, c'était pas d'être riche, on se comprendra alors. Mais j'ai pas de soucis financiers. C'était un besoin pour moi. Et dans le temps, ça me, c'est ça, la différence, c'est le temps. Tu veux, mettons, je voudrais. Tu sais, à un moment donné, je voulais une moto. Ben, Daniel, il tripait moto. Fait qu'il m'avait mis ça dans le corps. Ah oui, ah oui, il y a une moto, t'aimerais ça. Oui, c'est vrai, j'aime la moto. Il dit ça, papa, papa, papa. Ben, 3 mois plus tard, j'avais plus envie d'une moto. Mais J'étais plus là. c'était son désir à lui, c'était pas ton mouvement de base de toi, tu sais. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit oui au début. Puis là, j'ai commencé à regarder les permis, les cours, tout ça. Puis à un moment donné, je n'avais plus la vibration, c'était plus là. Ouais. Fait que j'ai fait, ah, dans le temps, un désir ne tient pas la route. Exact. Tandis qu'un besoin, il revient à la charge tout le temps. Donc, sur 4-5 mois, là, tu peux savoir, mettons que tu as le désir d'avoir une moto. Puis là, tu dis, c'est-tu un désir ou un besoin? Ben, explore la chose, puis tranquillement, à travers le temps, tu vas voir si la vibration descend ou pas. Si à un moment donné, tu n'as plus la vibe, ben, tu vas le sentir, on se sent hein, quand on n'a plus le gaz. Fait que, c'est de même que je voyais ça, le désir et le besoin, pour moi, c'est comme ça que je le définis. C'est intéressant parce que ça rejoint aussi ma façon de percevoir les choses. Mais tu sais, si je l'applique au niveau financier, un ego peut désirer être multimillionnaire, mais son besoin, c'est pas d'être multimillionnaire pour être capable de s'alimenter puis de répondre à être logé puis aux besoins de base. Exact. Fait que c'est sûr que quelqu'un peut désirer être multimillionnaire, mais peut-être que ça se concrétisera pas si ça ne lui permettra pas d'évoluer davantage que ce qui évolue présentement. Avec la structure financière qu'il y a là. Exact. Exact. C'est vraiment ça. On est d'accord. Oui, ben. C'est une blague. On est Non, d'accord depuis le début, non. vous Ouais, êtes. ben, c'est ça qui me venait en tête aussi. On télépathise beaucoup sur différents sujets, là, le désir et les besoins, entre autres, là. Ben, peut-être télépathie. Parlons-en. Oui. Comment tu sais que télépathiquement, toi, t'es comment tu identifies si tu parles à ton esprit versus, parce que c'est télépathique, tout ça, non? Bien sûr. Versus une entité astrale. Comment tu le sais, toi, que c'est ton contact? Ben, moi, Quand c'est sûr que la façon que je perçois les choses, c'est que la vibration de l'esprit va être plus haute que celle astrale. Puis, la façon que je vois ça, c'est que quand c'est astral, il y a comme une brume, c'est comme coloré. Je vois comme, admettons, des couleurs dans ma tête. Admettons, une couleur rouge, une couleur brune. Tandis Ah. que l'esprit, c'est comme blanc, c'est limpide. Fait que toi, tu vois les couleurs. Tu vois, moi, je vois pas ça. OK. Ça m'intéresse pareil, là. Non, non, mais c'est bien correct. Mais je décode pas ça du tout de même, mais moi, je trouve ça fascinant de voir des gens qui ont ça. Wow! Ça me dit, tu vois, ça me dit des choses. Il y a 12 faisceaux, OK. comme il y a 12 signes astrologiques. Donc, il y a 12 faisceaux lumineux, il y a 12 façons différentes d'intégrer des choses. Intéressant. Faudrait questionner ça, mon David. Je ne le savais pas, je viens juste de le dire, là. Ouais, ben là, faudrait que tu me descendes en quoi consiste chacune de ces 12 façons. C'est parce que toi, comment tu canalises, tu me parles de couleurs, des choses comme. Wow, c'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas pantoute, cette. Puis là, ça me disait, il y a différentes façons. Mais il y a 12 façons différentes de canaliser l'esprit, semble-t-il, ou je ne sais pas mal dire. Mais... Ben, en tout cas, moi, ce que je pourrais te dire, c'est que, comme par exemple, au niveau de l'hypnose, tu as des gens qui sont visuels, auditifs, puis kinesthésiques, le toucher, là. Dont je suis. Bon, ben surtout si tu fais du yoga, puis tu as déjà fait de l'aïkido aussi, c'est comme logique, là. Mais quelqu'un qui, son sens principal, c'est le visuel, tu utilises des images pour l'hypnotiser, tandis que si c'est auditif, ben c'est au niveau de la voix, des sons. Puis l'autre, c'est par rapport au toucher. Fait que chaque personne est plus réceptive de certains sens. Puis c'est de travailler à partir de ça. Moi, c'est beaucoup visuel. L'imagerie mentale de voir des couleurs par rapport à des gens, des événements. Moi, c'est la façon que je décode. Mais je sais très bien qu'il y en a un autre, ça va être en fonction du langage des oiseaux. Oui. Oui, ça me rappelle des bons souvenirs, toi. Oui, Daniel Kemp et moi, sais-tu que j'ai fait mon séminaire avec Daniel Kemp et Bernard de Montréal dans le même carré. Ça OK. se faisait aller le langage des moineaux que je dis. Oui. Personne n'a rien compris. Mais ben non, je blague, là, mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'être témoin de cet échange-là entre Bernard et Daniel Kemp. Quand j'ai fait mon séminaire, ça, je ne sais pas pourquoi ça m'amène là, là, C'est en quelle année, ça? Oh, je ne sais pas, David, j'ai même pas. Même... Attends. Je ne sais pas. Quelle année j'ai fait mon séminaire? Je ne sais même pas. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Il n'y a aucun J'ai fait des... problème. Mais j'ai fait mon séminaire début des années 90, moi, je dirais, autour d'eux. Avant que Daniel Kemp, il est mort pas longtemps après, je te dirais quelques années après. Il me semble qu'il est mort en Et 96 dans ce coin-là. 96, bon, ça a du sens. Mais j'ai fait mon séminaire assez tard. En passant, quand j'ai fait mon séminaire, j'ai demandé à mon contact, pourquoi tu veux que j'aille faire mon séminaire? Tu sais, ça faisait des années que je roulais avec Daniel Ménard, puis ça m'a dit, il y a besoin d'argent. Je suis allée. Ça a coûté 1 000 $, puis j'étais bien contente de ressortir de là. Mais Bernard, il a fait sa job. Mais Bernard, c'est une façon qu'il avait de sélectionner un petit peu les gens avec qui il voulait échanger dans le privé. Le séminaire, là, c'était à ça que ça servait, le séminaire de Bernard. Financier, ça le faisait vivre, Oui. mais c'est aussi une façon de scanner les égos. C'est intéressant. On Il a. voulait pas avoir n'importe qui dans ses salles, puis c'était sa façon, en privé, là. C'était sa façon de contrôler les égos. C'est qu'il savait que si les gens étaient passés dans son séminaire, que c'était des égos qui allaient pas y foutre du trouble. Il y a vraiment des forces qui travaillent contre l'humain, hein? Oui. On le sait, ça, maintenant. Des fois, je vois ça en auto, je ris pour mourir. Il y a des égos sur la planète qui veulent vraiment pas qu'on évolue. Moi, je Exactement. considère que je suis une Ferrari sur. Tu sais, je roule vite. En auto, là, je pouvais rouler à 200 km/h, 240, je serais très à l'aise. Malheureusement, la limite de vitesse est à 100 km/h. Mais des fois, je vais aller vite, puis je sens qu'il y a du monde qui veulent vraiment pas que j'avance. Il y a des forces retardataires. Ah, C'est sûr que les égos. par contre, en Allemagne, sur leurs autoroutes, eux autres, ils peuvent aller à... Il n'y a pas de limite de vitesse, là, tu sais. J'aimerais bien que ça soit ici. Je prendrais moins de contraventions de vitesse. Mais j'en prends plus. Tu sais que je me suis déjà endormie au volant. Moi, les forces, mon double m'a déjà fait comprendre clairement que j'étais en danger de mort à une certaine vitesse, là. C'est pas une blague, David. Un jour, je revenais OK. de Sherbrooke, de ta région d'ailleurs. J'enseignais la Ben, en danse, fait, là. je suis à Tedford, là, mais c'est quand même Ah, proche, là. excuse. Il n'y a pas de Parfait. problème. Ah, je t'ai passé à Magog. Je sais pas pourquoi. Bon. Ceci dit, je me revenais de Sherbrooke, puis c'est ça, j'ai voulu expérimenter la loi du 90 km/h a été passée cette période-là, puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de me calmer un peu au volant. Je me suis endormie en plein hiver en conduisant. Oh, shit. Oui, oh shit, j'ai fini dans le milieu du chemin sur l'autoroute 10 avec un camion pour me sortir de. Même pas mon auto qui restait là, qui était en location, là. Mais j'ai pas eu de dommages. J'ai juste compris que je pouvais pas rouler à cette vitesse-là. Puis il y a un monsieur qui a été très gentil avec moi, me ramener à Montréal dans son camion. Mais à partir de là, j'ai pris des contraventions régulièrement parce que je peux pas rouler en bas de 110. Je suis pas capable, je m'endors. Ce n'est pas une blague. Puis si tu demandes à l'esprit pourquoi tu peux pas t'ajuster à cette contrainte-là? C'est le plus bas que je peux aller, qui me répond. 110 km/h. Parce que c'est une question de vibration. C'est justement, je capte ça de même. OK. Mais c'est pas trop indiscret. Toi, t'es-tu hyperactive? T'es-tu quelqu'un? Non, je suis verbomoteur, mais pas hyperactive. OK. Mais je suis verbomoteur. Quand j'étais jeune, là, dans mes bulletins, c'est marqué. Parle tout le temps, n'arrête pas de parler. Jeune, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans sur mes bulletins de première, deuxième, troisième année. Timide, mais bavarde. Je bavardais avec mes copines, surtout. Mais j'étais bonne à l'école, je n'avais pas de problème à l'école, ni de concentration. Je trouvais ça ennuyant, David. Mais on pourrait parler de sexualité, parce que ça peut être intéressant. J'ai créé Oui. beaucoup de chocs chez des gens, moi, OK. jeunes. C'est ça que je dis, j'ai jamais eu une vie facile et simple, mais en même temps très drôle. J'ai probablement été une des premières femmes à dire à certains hommes qui étaient dans le champ, dans un lit. Rien qu'à voir les réponses que j'ai ramassées, là, je peux te dire qu'il y en a vu quelques-uns débandés, moi. Ouais. Mais juste à dire ce que je voulais, faisait déborder les hommes. C'est pas une farce, là, ce que je dis là. Puis je suis sûre qu'il y a des femmes qui sont roulées à terre présentement en train de rire. Parce que l'homme, en tout cas, peut-être plus les jeunes d'aujourd'hui, là, parce qu'on peut un petit peu plus intelligent, je trouve, mais de ma génération, les hommes pensaient que là, suffisait je sais pas quoi pour qu'une femme vienne, là. Mais moi, quand j'étais dans un lit, comme j'étais rebelle, et puis je me tentais pas de faire comme ma mère m'avait dit, la belle, puis fais la planche et attends que ça passe, je participais, puis je trouvais ça dommage que les messieurs ne sachent pas quoi faire, hein? Surtout avec le clitoris, ça avait l'air d'être une affaire qui ne savait pas trop ce que c'était. À chaque fois que je lui Ouais. parlais de ça débandait, mon ami, pas à peu près. Moi, je pense qu'il y a une instruction à passer là-dedans. Non, mais c'est ça, les gens ont manqué d'éducation sexuelle. Mais T'sais, c'est-tu changé, ça, tu penses-tu? ben, aujourd'hui, ce qui est différent, c'est qu'il y a de la porn partout sur Internet. Oui, j'ai vu ça, un tapage de fesses, puis que ça pense que trois claques sur une fesse, puis la fille va jouir. Hein? Ouais. Ah, oui, c'est merveilleux. Mais disons qu'il y a plus d'éducation qui s'est véhiculée par Internet là, en matière sexuelle, mais. Je suis pas sûr en effet que ça soit mieux aujourd'hui. Moi, je pense que les femmes ont un gros rôle à jouer là-dedans. Je reviens là-dessus, c'est plus un petit peu plus sérieusement. Là. Oui. Ça passe. Tu sais, la fusion, on parle de fusion, de ci, de ça. Dans la sexualité, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est très fusionnel. Je ne parle pas de symbiose, là. Je parle vraiment d'une fusion entre des énergies, mâle-femelle. Comment tu vas avoir accès à ça si la bonne femme, elle s'emmerde dans son lit parce que tu ne sais pas comment la faire jouir, toi, là, puis que l'autre, elle dit rien parce qu'elle attend que toi, tu le saches. Exactement, d'où l'importance de la communication. Oui, mais ça demande l'humilité. Un, l'humilité chez l'homme, puis chez la femme, la capacité à l'exprimer. Et c'est de ça que je te parle. Je ne suis pas si sûre que ça. Moi, je parle à mon fils qui a 19 ans, mais je n'ose pas trop le questionner, qui a une sexualité, là. Puis j'attends qu'il me parle, mais moi, je suis assez curieuse. J'ai posé quelques questions, là. Puis jusqu'à présent, ses petites copines n'ont jamais rien dit de spécifique sur leur capacité à jouir, hein? J'ai dit, t'es-tu sûre qu'elles jouissent au moins? Il dit, non, je suis pas sûre du tout. Quelle différence entre ce jeune homme de 19 ans et ma réalité? Aucune. Il n'y a pas une grande évolution qui s'est faite. Les femmes ne parlent pas. Exact. Quoique, ils ont sorti du carcan religieux. Tu sais, autrefois, la sexualité, c'était vu comme péché, alors que la sexualité est vécue plus librement par les jeunes. Oui. Mais encore là, comment justement masturber adéquatement une femme avec le clitoris, tu sais, ça fait pas partie du cursus scolaire, tu sais. Non, mais on te montre comment mettre un condom sur un pénis. Ça, il achète une banane, ça, il n'y a pas Ouais. de problème. Mais Exact. c'est ça. Je pense qu'il y a une éducation à aller chercher dans la sexualité, d'amener. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit parler. Parce qu'il y a Oui. quelque chose de fondamentalement important dans l'échange, là, entre hommes et femmes. Si on sort de l'astral, de la sexualité Oui. astralisée, perverse d'ailleurs, il y a des pervers en masse, là. Pervers et perverse, c'est pas juste féminin ou masculin, pardon. Exact. Il faut amener ça plus loin, puis je pense que ça commence par la communication, puis l'importance de s'accompagner là-dedans. L'homme a comme sur les épaules le pourvoyeur de plaisir. Il n'y a pas que le pourvoyeur d'argent. Il est poigné avec l'idée que c'est lui qui doit faire venir une femme ou faire jouir une femme. Moi, j'ai jamais été capable de gérer ça de même. C'est ça que je dis, j'ai créé des chocs à des gens parce que je disais tout le temps, non, tu sais, mettons, hey, t'as-tu aimé ça? Non. Ben non. Au moins, Ouais, c'est sincère. C'était très sincère, mais le problème, David, c'est que j'ai jamais revu ces gens-là, hein. À part mon conjoint d'aujourd'hui, parce que lui est capable de contenir ça. Mais t'as-tu eu du fun? Non, pas vraiment. Mais je vais t'expliquer comment avoir du fun si tu veux m'en donner. Ça ne durait pas 24 heures qu'il disparaissait. OK, tandis que Donc, moi, tu... aujourd'hui, je pense Ouais. que ça a changé, là. Oui. Non, exact. Mais c'est sûr que moi, j'ai toujours l'approche ouverte dans le sens que ben, je pense à mes expériences avec mon ancienne compagne, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, dis-moi ce que t'aimes, puis tu sais, ben, j'ai pas toujours dit ça, c'est pas vrai. C'était plus vers la fin que j'étais plus ouvert, j'étais moins gêné. Je me Au moins, réajuste. t'es à l'aise. Au moins, je me réajuste, là. Mais, Mais comment tu vivais ça quand une. Si, mettons, une femme te disait, je ne sais pas si c'est arrivé, là, mais ça m'intéresse le point de vue de l'homme face à. Si, mettons, une femme te dit, ben non, c'est pas terrible, là, ce qu'on vient de faire pour moi, là, y a-tu moyen qu'on s'ajuste? Ou comment t'aurais pris ça comment, toi, jeune vingtaine, je sais pas quel âge t'as, mais ça me dit que t'es plus Ben vieux là, j'ai qu'un homme. 38, là. OK, 38. Peut-être aurais-tu été capable d'absorber ça d'une femme ou tu te serais senti tellement minable que tu aurais disparu dans la vie? Ben non, ben dans le cas de ma relation avec mon ancienne compagne, tu sais, je donnerai pas son nom puis ses détails Non, personnels, là, non. mais tu sais, disons qu'elle m'a éduqué justement comment la caresser adéquatement. Donc, c'est une femme, c'est ça que je Ben dis, il faut oui. que les femmes Ben parlent. oui, c'est ça. T'sais, Exact. moi, je peux pas deviner. C'est ça, je peux regarder le non-verbal, mais encore là, c'est vraiment elle qui me dit. Puis moi, j'avais à m'ajuster à ce niveau-là. T'sais, c'est, comment dire. Tu étais capable de le faire, de Oui. cet ajustement. Moi, c'est ça qui m'intéresse, Oui. l'ajustement, que sans que ça a changé. Je suis contente d'entendre ça parce que je trouve que les hommes, beaucoup de ma génération, ils n'ont pas cette capacité à convenir avec ça si facilement. Là. Tant mieux si ça a changé puis que les hommes ont. Mais moi, je pense que ça part des femmes, c'est ça mon point. Ben, C'est que la c'est la femme femme qui initie doit éduquer. l'homme à son corps. Ça, c'est pour Exact. moi, c'est une évidence, là. Puis même chose par rapport à l'homme, tu sais. Et vice-versa, oui, exact. Exactement, tu sais. Comment que l'homme ou la femme peut aimer avoir du sexe avec l'autre ou se faire masturber, puis quelle langue, puis tout ça, ben, c'est à chacune des personnes impliquées dans la relation d'être capable de donner les précisions. Oui, puis ça, pour moi, c'est un point de départ sur quelque chose de très intéressant à partir de là, parce que, bon, la jouissance, c'est bien, mais il y a une fusion d'énergie là-dedans qui est tellement importante. C'est pas pour rien que toutes les religions ont condamné la sexualité en passant, hein? Il y a une raison de développement là-dedans. C'est ça mon point. C'est qu'à partir de. T'entends peut-être mon chat se faire des Oui, griffes, là. c'est bien correct, là. Hein? J'ai des chats, évidemment. Mais c'est ça, c'est la sexualité, ça peut nous mener beaucoup plus loin que juste la. Là, c'était ça un peu mon point. Ça peut nous amener beaucoup plus loin dans le travail qu'on parle du supramental, la connexion, d'une fusion entre les êtres. Puis ça, c'est plus intéressant que juste la sexualité, mais faut commencer quelque part. Faut commencer par le plaisir qui nous amène dans d'autres directions, là. De plus en plus de plaisir, pourrait-on dire. Mais dans l'orgasme, il y a quelque chose qui se passe qui est très particulier, qui, à mon avis, rend libre. Bon, voilà, on va finir par le dire, le mot. Oui, parce que Libre. l'orgasme, c'est un mouvement d'ouverture. Mais après une bonne relation sexuelle, là, il y a quelque chose, si vous observez ce qui se passe là, dans notre être, là, il y a quelque chose qui est tellement libre. Ça ne dure pas longtemps, une couple d'heures. Je blague, là, mais je sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Ben, Je ça amène m'exprime un état de peut-être pas bien. détente, de relâchement énergétique, puis il y a souvent des femmes qui vont se recharger. Ben, les hommes aussi peuvent se recharger à travers l'orgasme d'une énergie nouvelle. Tout à fait. Pour moi, il y a une recharge des deux côté, quand c'est bien équilibré, cette la relation sexuelle, là, il y a vraiment une recharge, mais c'est que ça nous fait monter en vibration aussi. Ça donne accès, tu sais, tu parlais de l'amour tantôt, là, d'intégrer de l'amour. Ben, ça en fait partie, ça, à mon avis, d'amener de l'amour sur la planète quand la sexualité est bien vécue, puis bien intégrée au plan physique. Ça nous amène une certaine liberté, d'aller vers l'amour, je sais pas. Hein. J'aime bien l'idée, en tout cas. Ben oui, dans le sens que quelqu'un qui jouit, il n'aura pas le goût d'être agressif puis violent, il ne sera pas névrosé. Il cherchera pas à se venger, puis il sera pas frustré du cul, puis essayer de parce qu'il y a toutes C'est sortes vrai. d'images dans la tête, puis le Doc Mayhew, puis tout son discours qui disait que les femmes frustrées sexuellement, ça faisait des mauvais profs, puis il se revanchait sur les élèves, puis tout ça, là. Ben, sais-tu que moi, je trouve pas qu'il y a si tort que ça dans tout. Doc Mayou, ben, maintenant, il est passé de date, c'est sûr. D'après moi, ça change, là, mais ouais. Il y avait du monde pas mal frustré dans les années 30, 40, 50. Je regarde ma grand-mère. Moi, j'ai entendu les femmes. Tu sais, le lac Saint-Jean, tu sais, si on va revenir à ça. Lac Les femmes, Saint-Jean, oui. hein? Le lac Comment? Lac Saint-Jean, Saint-Jean. oui. Moi, je viens du lac Saint-Jean, là. Oui. Si je me mets à parler klaxon, oui. C'est la haine de l'homme que j'ai connue, moi, par des OK. femmes frustrées. Ma grand-mère a eu 14 enfants d'un gars qui passait son temps à boire ses pilles. Hey, elle l'aimait, son bonhomme, toi. Mais elle a eu 14 pareil. Quelle haine! Penses-tu que ça l'aimait l'homme, ça, là? Ben non. Hey. Puis mes tantes, puis les femmes autour. Moi, tu sais, aujourd'hui, on se. Ah, tiens, c'est un aspect intéressant. On se demande pourquoi les jeunes garçons au Québec ont tant de misère. Faudrait peut-être convenir qu'on a un petit problème matriarcal ici. Peut-être. Ouais. Là, je ne vais pas être aimée de beaucoup de femmes, là, mais bon. Ben, c'est réel. Les femmes. Là, je te parle de peut-être du passé, là, mais il y a beaucoup de femmes qui ont haï l'homme profondément. L'homme petit H, là, je parle. Assez pour lui régler le compte, puis que ça en fait des handicapés aujourd'hui. Il y a le taux de suicide le plus élevé au monde chez les garçons. C'est nous qui l'avons. On détient des bons records. C'est quand même une statistique qui parle. Maintenant, il Ouais. faudrait la regarder, celle-là. Là. Exactement. Puis jusqu'à présent, les petits garçons, j'ai deux gars, moi, ici, là, puis je peux te dire que l'éducation que les femmes, encore aujourd'hui, contrôlent l'éducation, il y a des bouts que je trouvais ça bizarre. Il y a encore beaucoup de matriarcal, je trouve. Mais là, je m'arrête là, parce que ça s'éteint. Non, non, mais c'est un point à aborder parce que le Doc Mayou a souvent contesté le matriarcat au Québec. C'est sûr que historiquement, tu sais, il y a eu des femmes qui ont souffert beaucoup des prêtres qui est forcé à avoir des enfants chaque année. C'est ça. Puis ça crée des déséquilibres. Puis là, il y a eu le mouvement féministe pour s'émanciper de ça. Mais pour moi, dans mon discours, c'est toujours, en ce qui me concerne, à viser l'égalité entre l'homme et les femmes, pas qu'il y ait une revanche d'un sexe sur l'autre, tu sais. Ben, t'es bien gentil, mais c'est comme un peu ignorer les polarités de sa planète. C'est fin ce que tu dis, mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer un certain temps. Ça, c'est le résultat recherché. Mais on vit sa planète Terre, David. Moi. Il y a un prix. Les hommes vont payer le prix pour avoir 3 000 ans d'esclavage chez la femme, ça, c'est clair. On vit ça. C'est l'effet du boomerang. On est dans les polarités. C'est d'ailleurs ce qui s'en vient, je pense, là, c'est que les hommes vont, petit âge, vont avoir de la misère. C'est les prochains 30, 40, 50 ans. Là. On paye le prix déjà au Québec, c'est ça que je dis. Les jeunes garçons souffrent d'un problème d'identité parce qu'on les méprise. Mais tristement à dire, c'est un règlement karmique, ça. Ouais, c'est un C'est règlement de compte, là, le mépris de du compte. masculin au Québec Oui. ou dans d'autres pays aussi. Ben, c'est ça. C'est sûr Parce qu'il y a que. eu un déséquilibre dans l'autre sens. Exactement. Là, il y a un autre déséquilibre qui se crée, puis après ça, on trouve le centre. Un peu comme nous, on a. Tantôt, on parlait de développement. On apprend par les polarités. On apprend la haine. Comment tu saurais la haine si tu connais pas l'amour, les polarités, là, je parle. Oui. Bon, c'est ça, Mané, il faut. Comment tu sais que c'est laid quand tu n'as jamais vu de beau, identifié du beau versus le laid? C'est tout le temps des. On est sur une planète de polarité. Y a pas, on s'en sort pas. Hein, c'est de même que ça marche. Mais je pense que les hommes payent le prix un peu ces dernières 10-15 ans pour un déséquilibre que les femmes ont vécu pendant des milliers d'années, des centaines. Il y a encore des femmes battues et lapidées dans le monde régulièrement hein, pour Oui. un regard, une attitude, n'importe quoi. C'est rare que tu vas voir un homme se faire lapider pour avoir osé dire je sais pas quoi que ce soit. Là. Présentement, sa planète, c'est les femmes qui se tapent ça. Mais ça va se rééquilibrer plus un moment donné. Donc, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, vraiment pas. J'ai trouvé très intéressant d'échanger avec toi, en tout cas. OK. Sinon, Je te est-ce que... connais pas, mais je veux te connaître, Bon. Je te connais pas, mais je veux te connaître. Bon, mais c'est bien. Mais t'es simple, toi, là, mais je te trouve très facile à discuter. T'es vraiment plein de nuances. J'adore ça. Des 256 tons de gris, moi, ça me convient. J'ai un côté plus tranché, là, mais OK. j'aime ça quelqu'un qui est pas comme moi, justement. Mais sinon, est-ce que tu avais annoncé ton école de yoga? Ben, j'ai pas envie de parler de ça. OK. C'est correct pour moi, ça. Tu sais, mon travail, c'est une chose, puis Je dis pas que je suis différente dans mon travail, mais j'ai pas de, je me donne pas le mandat d'amener les gens vers une direction. Ah, jamais, jamais je pense de même. Moi, je fais ma job. En fait, ma mesure, c'est mon plaisir. Hein. Le plaisir. J'ai Oui. réalisé que quand j'ai du plaisir dans ma vie, tout se passe bien. Mais à partir du moment où je fais les choses parce il faut que ci, il faut que ça, il faut que ci, il faut que ça va plus du tout. Puis je deviens frustrée, je deviens agressive, je deviens déprimée. Donc moi, je fonctionne juste sur le plaisir. J'ai-tu envie d'être là? Je suis bien ou je suis pas bien? C'est ma référence pour rendre ça simple parce que on peut se perdre là-dedans. Non, Donc, exactement. Bien, ça revient au principe de suivre la vibration, puis quand ça devient des lourdeurs énergétiques, bien, de passer à autre chose. c'est ça. Puis, comme disait le Dalai Lama, quand tu poses une question que tu n'as pas de réponse, pose donc la question suivante. Je te trouvais drôle. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, mettons, tu poses une question, tu n'as pas de réponse. Passe au sujet suivant, c'est tout. C'est pas le temps. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sur Exact. ça, je vais te laisser, mon cher David, parce que mes chats me ramènent à l'ordre. Hein. J'ai mes deux chats couchés sur moi présentement, qui n'étaient pas là il y a 2 minutes. Il n'y a pas de problème, Mona. Merci, David. Ce fut très agréable. Oui, plaisir Puis. partagé.